Ouvrez la porte là, ouais, ouais. Laissez la porte grande ouverte. Et il y a moyen de mettre quelques personnes là. Sinon, il faut appeler les pousseurs japonais, Gilbert. Et depuis. Il faut appeler les pousseurs japonais. Et ici, il n'y a que une place. Là, là derrière, il n'y a que une place. Là. Il est temps que ça arrive, le kéfi. Ça arrive, mais c'est pas juste à côté, c'est encore plus loin. Ah. Et là, il y a des lettres, tu sais, avec les petites hélices. Ça n'a pas encore passé. C'est en train de prendre. C'est pas commencé encore, la caisse n'est pas encore remplie. Bon, bah, on va faire comme si c'était rempli. Rempli de vide. Installez-vous, hop, là, comment. Il y a encore une ou deux places ici. Gilbert à deux genoux. Il y a encore une place avec un tabouret, là. Tout le monde se méfie de la place. Oui, ici, là, avec un tabouret. Oui, ici. Oui, là, dans les couloirs, là, il y a que de la place. Ouais. Ah, ouais. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, quelques recommandations qu'on a trouvé au comité, qu'on a dit. Première recommandation, il n'est pas interdit de prendre quelqu'un sur ses genoux. Commencez, là, on a trouvé que c'était une bonne solution. Pas interdit, voilà. Là. Bon, je veux dire, question de morale, nous, ça, on n'a rien à voir, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, pour nous, pour le comité, il n'est pas interdit de prendre quelqu'un sur ses genoux. Bon. C'est comme pour le reste, des volontaires. Ah, s'il y a des volontaires, ça ne veut pas le savoir. Bon, alors, deuxième truc, les messes basses. On a demandé d'interdire les messes basses. Alors, moi, je fais une recommandation. Alors, si quelqu'un s'est passé, c'est qu'une messe basse. C'est à l'intérieur d'une réunion, des gens qui font une deuxième réunion et qui parlent sans arrêt. Ce qui empêche les autres d'écouter autour d'eux, ils ne comprennent pas ce que je raconte. Je vous dis, c'est tel que ça a été dit. Alors, on demande les conversations privées. De limiter les conversations privées, surtout pour les gens qui sont loin, parce que s'il y a des gens qui commencent à raconter, ceux qui sont loin ne comprennent plus rien. Voilà, donc limiter les messes basses, les conversations privées. Là, c'est deux recommandations. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire ou bien le faire. Hein, de toute façon, voilà. Chacun ici fait ce qu'il veut, mais voilà, ben, je pense que c'est des bonnes recommandations quand même. Hein, oui, ça va. Alors, semences traitées. C'est pas dit maltraité, hein, se maltraité. Il y a encore de la place quelque part. Je vois qu'il y a toujours des gens qui arrivent au milieu. Là, il y a encore de la place là, non? Là, hein? Ouais, si ils ont il y a encore des sièges, il y a encore des tabourets ou des sièges? Ah ouais, il y en a encore là. Là, dans le milieu, là, il y a encore avec des sièges. Allez-y, entrez. Ouais, là, ça devient. Ouais. Entrez, il y a encore de la place là, dans, ouais, avec des. Il y a encore des chaises là et tout. Allez. Avec un GPS, ils vont trouver. Oui, s'ils ne les auront pas ailleurs. Faites demi-tour, il va dire. Dès que possible. Voilà, il y a encore quelques chaises, regardez, il y a encore quelques places. Allez-y, allez-y, avec un peu de bonne volonté, on va y arriver. Bon, alors, semences traitées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a reçu, il y a une firme Vous savez, donc c'est le principe des achats groupés. Donc on achète dans le monde entier des semences à tout plein de firmes commerciales, à peu près 25 firmes comme ça, dans le monde entier. Et il y a une firme cette année, il y a quelques paquets qui sont, les graines sont traitées. Donc on achète, la plupart sont des graines bio. Parce que, alors comment on reconnaît les graines bio? Comment on reconnaît? On ne veut pas. On ne veut pas nous faire la différence et tout ça. Mais je vais dire, en gros, les graines bio, c'est ceux qu'on ne trouve pas généralement. Tout ce qui est un peu ancienne variété ou bien variété rare, il n'y a que dans les petites firmes qui font encore ça bio, c'est obligatoire. Même. Tous les graines ordinaires, du commerce ordinaire, qu'on les trouve, qu'on peut trouver en gros, à bon compte, à bon marché, là, et on a un fournisseur en Belgique qui fait ça. Il y a une grande gamme de semences. C'est des semences pas traitées. Donc on n'achète jamais, bien sûr, des semences OGM. Il y a encore quelques graines, quelques hybrides. Il y a encore des hybrides. Le 9 sur 10 des hybrides qui est encore dans le catalogue, donc il n'y a plus beaucoup de gens qui les prennent, donc avec raison. Et la plupart ne servent à rien, ils coûtent beaucoup plus cher que les autres, ils ne servent à rien. 9 sur 10. Mais on a 1 sur 10 qui peut servir et certaines variétés qu'on ne trouve pas autrement que hybrides. C'est pour ça qu'ils sont encore dans le catalogue. Et donc OGM, ça n'y a pas. Hybride, de moins en moins, parce que ça ne sert à rien. Le principe étant, j'ai quand même donné une explication, parce que j'aime pas dire affirmer des choses comme ça et que ça va pas. Donc pour trouver les graines hybrides, c'est purement commercial. Alors je vais dire pourquoi. Pour avoir une bonne variété hybride, les sélectionneurs, ceux qui font ces graines hybrides, disent que ça coûte cher parce qu'il faut sélectionner les parents pendant au moins une dizaine d'années pour avoir un bon hybride. C'est-à-dire que ce sont des parents. Donc mâle, femelle, pour les parents, les deux. Il faut sélectionner les parents, puis les mettre ensemble, puis ça donne un hybride. Ce qui fait qu'il faut toujours les hybrides, il faut toujours les recommencer. Mais ce n'est pas aussi sûr que ça non plus. Parce que vous mettez une graine hybride, vous avez 100% de même uniforme. Tout le... bon, voilà. Deuxième année, vous avez 75 ou 75% encore, qui est encore comme l'hybride, et 25% qui est redevenu un peu de tout. La deuxième année, donc quand vous reprenez les graines, la deuxième année de cela, c'est moitié-moitié, alors 50%. Après les années suivantes, ça va dans tous les sens. Mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est mauvais. Donc ça ne veut pas dire pour ça que... Donc vous pouvez très bien partir à partir de graines hybrides et faire vous-même, mais pas toujours. Donc ça, il faut essayer. Il y en a qui donnent n'importe quoi, il y en a qui... Mais alors pourquoi ça sert à rien? Il faut sélectionner deux parents pendant 10 ans donc pour faire un hybride valable. Alors la question est, pourquoi ils ne mettent pas les parents qu'ils ont sélectionnés pendant 10 ans sur le marché? Parce que c'est ça qui compte. Non, donc c'est purement commercial, ils font croiser ces deux parents qu'ils ont sélectionnés et ils mettent sur le marché quelque chose qui coûte cher, surtout parce que c'est uniforme, c'est la même, surtout pour les professionnels, parce qu'ils ont tout à la même période, tout le même, en général, le même gabarit, la même période et tout. Mais le vrai progrès, c'est qu'ils mettent dans le commerce, qu'ils mettent dans le marché, les parents qu'ils ont sélectionnés, qu'ils ont améliorés, ça c'est un vrai. Ce qu'on faisait avant. Donc avant, les semences, chacun améliorait, chacun dans son coin faisait ses semences. C'est pour donner une explication des hybrides. Alors, donc pour en arriver alors à dire qu'il y a une firme qui nous a donné, pas beaucoup je pense, 3, 4, 5 peut-être, des graines traitées. Ça veut dire que, donc on n'achète jamais et on ne sait pas à l'avance non plus. Donc c'est qu'il y a eu un problème quelque part de conservation, de pourriture, et qu'ils ont dû les traiter pour... Je suppose que c'est ça. Et je ne sais pas avec quel produit ils ont... traité. Donc, si jamais des gens prennent des semences, qu'ils ont, on le voit tout de suite hein, qu'ils ont une couleur, je pense que c'est bleu, un bleu comme ça, je pense, le produit. Je ne sais pas quel produit qui est ça. Donc, la précaution, c'est qu'ils vont, s'ils les utilisent, qu'ils vont se laver les mains. Donc, après le produit, je ne sais pas si donc, voilà. Mais ça peut arriver, hein, qu'on traite des graines pour ne pas les perdre. A priori, je ne suis pas contre quand c'est, pas quand c'est systématique. Ah, ça, ouais, il y en a. Mais ils ont abandonné ça, parce que les gens ne voulaient plus des graines. Il y a des réactions quand même qui changent. Hein. On a essayé de mettre des trucs qu'on a lus, par exemple dans les semences, des trucs en plastique, des trucs. Puis on est revenu maintenant au papier, il n'y a rien qui remplace le papier pour les graines. Parce que quand ils ne sont pas tout à fait secs, pour vous aussi, si vous faites vos graines, mettez-les dans des sachets de papier. Hein. Surtout pas dans du plastique ou dans l'alu, de rien, parce que s'il y a encore un peu d'humidité, les graines vont pourrir. S'ils sont encore dans du papier, ben le papier vit, il respire, et l'excès d'humidité... va dans le papier et les graines ils ne pourrissent pas. Hein. Donc c'est déjà... Il faut, hein, faut faire vos graines. Et vous ne savez jamais, un amateur ne sait pas sécher les graines, une graine reste vivante, elle est toujours légèrement humide. Vous ne savez pas les sécher assez pour que Si vous les mettez dans autre chose, ils vont pouler. Dans du plastique et tout ça, ils vont pouler. Voilà. Donc, c'est... Je sais pas, j'ai dit tout, là. Et dans du papier, ça conserve pas mal d'années. Ouais. Mais s'il y a des questions sur les semences, c'est le moment de... Ouais. L'année dernière, on fait partie d'une association de jardiniers. Il y a des jardiniers qui nous ont dit que les graines, il ne fallait pas les conserver d'une année sur l'autre. Ah, si. Ça dépend quoi. C'est encore les films commerciaux qui disent ça. À la fin de l'année, jetez vos vieilles semences. Non. Alors, il y a dans le catalogue déjà une idée. Dans le catalogue, il est marqué combien de temps la durée germinative des graines. Mais j'ai une feuille aussi que je vais sortir bientôt, aussitôt que j'ai le temps. Où on a. C'est quand une graine âgée, de combien d'années c'est la meilleure pour la production. C'est rarement un an. C'est rarement des graines nouvelles. Parce qu'il y a en France, depuis très longtemps, depuis Villemorin, ils ont fait des essais, tout ça, j'ai même des livres et tout, là-dessus, sur combien d'années une graine. Par exemple, les meilleurs melons, c'est 4-5 ans. Les graines de melon qui ont 4-5 ans. Les graines de melon qui ont 4-5 ans font le fruit. Il ne faut pas les pincer, il ne faut pas les... Comment on appelle ça? Ouais, au début, hein. Parce que si on ne les pince pas, certaines variétés de melon, ils font leur premier fruit très loin par rapport au centre de la plante. Donc 1 mètre, 2 mètres quelquefois, et puis ils commencent à faire le fruit. Donc pour gagner tout ça, quand on met des graines de 4-5 ans, ils font le fruit au bord, tout de suite, les graines. Donc c'est pour vous dire que c'est pas... Alors, il n'y a que les graines oignons, poireaux... Oignons, poireaux, et encore, ouais, panais, que les graines d'un an sont plus valables que les graines de 2 ans. Mais par exemple, pour les choux, c'est les graines de 3 ou 4 ans qui sont les meilleures. Pour les carottes, les laitues, par exemple, c'est les graines de 2 et 3 ans. Ce n'est pas les graines de l'année. Par exemple, pour les carottes, les graines de l'année, toutes fraîches, mais ça, je dis ça comme ça, donc c'est pour dire que ce n'est pas jeté. Pour les carottes, les graines de l'année font beaucoup plus de feuillage et moins de racines. Les graines de 2 ans et 3 ans font un peu moins de feuillage et plus de racines. Les graines de choux, les graines de l'année ont difficile à faire leurs pommes. De même que les laitues. Les graines de l'année des laitues font plus difficilement le pommer que les graines de 2 à 3 ans. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas. Hein. Donc, l'idée de toujours des nouvelles semences n'est pas valable du tout. C'est même très rare. C'est même très rare que c'est les graines de l'année qui sont les meilleures. C'est généralement les graines de 2 ans, 3 ans qui donnent... Gilbert a fait des plants de tomates l'année passée, c'était des graines de... Ah oui, oui. 8 ans. Oui, c'est ça. Et les professionnels avant aussi, les tomates, c'était des graines de 4 ans aussi, 3-4 ans, qu'ils mettaient pour... Et ça, c'est pas la raison. C'est pas, parce que pour tout, il y avait la raison, mais pour les tomates, je vois pas... J'ai oublié, je connais plus la raison. Donc, non, surtout, je ne sais pas. Donc, une idée, c'est durée de germination. Dans le catalogue, ici, il est marqué la durée germinative. Hein. C'est pas la température de germination. Hein. Il y a la température de germination dans le catalogue que j'ai mis. Chaque fois que j'ai les renseignements, je mets. Hein. Par exemple, à telle période, il faut semer en température telle. Là, c'est durée de germination. DG, il est marqué. Donc, ça veut dire les graines sont valables autant. Donc, surtout, je ne sais pas vos graines. Mais même les graines de ail. Oignons, échalotes, tout ça, sont valables 2 ans encore. Mais la deuxième année, on dit qu'ils ont déjà perdu 25% de leur vitalité. Donc là, il vaut mieux choisir des graines d'un an. Donc vous prenez des sachets, vous notez la date que vous les avez pris ici, vous rajoutez peut-être une année, et puis et vous êtes bon. Hein. Mais parce que les graines qu'on prend ici sont parfois de l'année d'avant. Oui. On achète certains lots. Il y en a que c'est sur un an. C'est ce que... Il y en a que c'est ceux qui sont meilleurs sur un an, je limite et j'essaie d'avoir que c'est parti sur un an. Et les autres, certains, pour arriver à... Parce qu'au plus j'arrive à un certain point, le prix diminue fortement. Donc il y a des trucs comme les choux, certains trucs sur 2 ou 3 ans. Mais il y a beaucoup maintenant que c'est sur un an, parce qu'il y a une telle demande. L'année passée, c'était une vraie razzia, il n'y avait plus rien dans les boîtes, il n'y a plus rien, donc j'ai du tout renouvelé. Et je vois que là, il y a déjà des boîtes qui sont vides maintenant. Je tiens compte de l'année d'avant, j'augmente tout doucement, je ne veux pas rester avec... Si l'engouement, on va rester, si les gens ils vont en avoir marre, tout d'un coup, ça peut, hein. Il y a des gens avec qui ne supportent pas le bio, hein, qui attrapent des boutons, alors je ne sais pas. L'expérience va montrer si c'est meilleur. Et il faut s'adapter à la société, manger un petit peu de poison tous les jours, pour s'habituer quand même. Alors, voilà, je ne sais pas si le bio il va durer. Voilà. Il y a encore des questions sur l'espace? Alors, ouais, surtout, ayez un contact. Donc, tous les semences sont des, j'allais dire, des êtres vivants. C'est vivant. Donc, il y a un petit ordinateur à la place. Hein. C'est même extraordinaire que l'ordinateur que possède une graine. Hein. Il y a des graines africaines qui lèvent. Quand il y a assez d'eau, quand il y a assez de chaleur, ils attendent pendant 20 ans comme ça. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Une petite graine de rien du tout, là, le bazar qui attend, et il peut pleuvoir, elle ne va pas se mettre, et il faut un certain volume d'eau pour qu'elle se réveille, pour qu'elle sorte de la montre, et puis une certaine température. Mais tous les graines ont cet ordinateur, et tout. Quand on y pense, c'est quand même assez extraordinaire. Alors pour ça, je vais dire du respect, même parce que c'est vivant. Bon, on commence à avoir du respect maintenant pour les. Hein, on avait du respect pour les. On commence à avoir du respect pour les bêtes, pour les animaux, avant on n'avait pas du tout. Maintenant, c'est la même chose pour les arbres, pour les légumes, un certain respect, tout ça. Donc, travailler avec respect, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'allez pas travailler un jardinier bio, je trouve qu'il doit sentir, voir, avec les mains, les graines et tout ça. Alors, vous habillez surtout pas comme des astronautes, là, avec des lunettes, des gants, des masques, il y en a qui vont au jardin. C'est habillé comme des cosmonautes, c'est incroyable. Ah, et mettre des gants. Non, il faut quelque chose pour sentir. Et puis, tous les appareils qu'il y a entre deux, les semoirs, les bandes, enfin, tout. Maintenant, il y a pour tout. Hein. Et même pour ceux qu'on ne veut pas, surtout pour ceux qu'on ne veut pas. Toutes des choses qui ne servent à rien du tout. Hein. Vraiment, mais à rien, au contraire. Hein. Il y a une certaine. Il faut sentir les graines avec les plantes. Hein. Il faut entrer en osmose, ce qu'on appelle. Il faut, à un moment donné, on ne rate plus rien parce qu'on commence à entrer là-dedans, dans leur univers. Et je veux dire, on rate de moins en moins. Rater rien, ça, ce serait vraiment prétentieux, comme c'est, parce qu'il y a. Hein, mais je veux dire. Donc, il y a tout un. Alors, semer avec des semoirs, avec tout ça, c'est horrible. Il faut sortir les graines, il faut faire. Voilà. Moi, quand je sème, et aussi l'œil, on attrape l'œil, comme dans tout. Au début, ça paraît difficile, mais après, ça devient coulant. Moi, je vais en parler après. Semer en bande plutôt qu'en ligne et tout ça, il y a une certaine hauteur de semences qu'il faut pour que les graines ils tombent comme ça, ils font 10 cm de large au lieu d'une ligne. Pour les carottes, par exemple, vous avez, si vous mettez semer sur 10-15 cm, au lieu d'une ligne, vous avez 3-4 fois plus de carottes et tout, et puis mélanger des radis, il y a tout un truc. Mais alors, le jardinier, quand il devient habitué, c'est la hauteur qu'il fait sur 10, et puis alors, un bon jardinier, il a l'œil et il voit où chaque graine il tombe. Bon, là, j'exagère un petit peu. Ça dépend de la couleur. Mais voilà. Mais je veux dire, si vous avez. Vous voyez quand même que c'est. Qu'ils ne tombent pas tous à la même place, vous voyez quand même, vous avez l'œil. Vous avez chaque graine, ça c'est difficile, mais à la longue, vous faites un truc qui est encore éclairci comme ça. Au départ, ça paraît tout à fait impossible. Mais je pense que c'est dans tout métier manuel, dans tout bordel, au début, quand on n'a jamais fait quelque chose. On est gauche, on dit, mais c'est pas possible, c'est pas. Et puis à la fin, ça devient coulant. Dans tous les métiers, il y a des machins, on fait des trucs. Comme un minère qu'au début, on dit, mais ça, c'est impossible de faire certaines choses. Et puis, non, quand on fait. Voilà. S'il y a encore des autres. Des idées aussi folles, c'est le moment de les dire. Hein, après, vous n'aurez plus l'occasion. Hein. Et la question de la conservation des graines. Je vois ici, vos graines, elles sont dans cette pièce. Normalement, une graine, quand elle a été séchée, quand elle est entrée en dormance, elle ne craint plus rien. Elle craint rien. Sauf l'humidité. Hein? Sauf l'humidité, quand même. L'humidité, ouais. Donc le chaud, l'humidité. Le seul truc qui peut le faire, c'est l'humidité qui peut la faire moisir. Mais sinon, chaud, froid, une fois qu'elle est entrée en dormance, au contraire, c'est difficile, quelquefois, de la faire sortir de leur dormance. Hein. Tous les graines entrent en dormance, plus ou moins. Hein. Donc, alors, il y a des graines. Les graines qui sont difficiles à faire sortir de leur dormance, le meilleur outil maintenant qu'on a, c'est le congélateur. Donc, moins 18. Donc, comme maintenant, par exemple, l'été est humide et tout, on hésite à mettre des petits pois, ou bien au moment où on va mettre les haricots, certaines graines fragiles qui pourrissent assez vite, ou certaines semences comme ça, ou la tétragone, Hein, une semence qui est difficile à sortir de. Certaines les tuent aussi. Ont difficile à sortir de leur demence. Certaines les tuent, pas tous. Donc, dans toutes les catégories. Donc, sortir de leur demence, ça veut dire qu'on ne sait pas les faire lever. Même si on met les températures optimales, c'est difficile. Il faut du temps. Mais alors, ce qui arrange bien, c'est le congélateur. Donc, 24 heures ou 48 heures congélateur, ça remplace le froid. Donc, à moins 18, ça remplace le froid parce que les graines, pour sortir de leur demence, une des causes principales, c'est qu'ils n'ont pas eu assez froid. Hein, par exemple, un hiver doux comme maintenant, pour la levée des graines, c'est pas bon. Hein. Par exemple, l'ail, toute la famille de l'ail, des alliums, des madres, mettent comme l'ail des sources et tout ça, mettent 3 ans, 4 ans, 5 ans pour germer. Donc, il leur faut le froid de autant d'hivers. Mais s'il n'y a plus des hivers comme maintenant, il reste là et il ne bouge plus. Alors, ce qui peut remplacer ça, quand on sait de telles graines, c'est congélateur. Donc, 48 heures au congélateur à moins 18, généralement, ça les fait sortir de monde. Ça les empêche aussi de pourrir. Par exemple, on met les petits pois. Hein, on va mettre les petits pois. Hein, s'il fait un peu froid, humide, ils vont pourrir avant de germer. Mais si on les met au congélateur, on diminue le temps de sortie de la dormance, donc le temps de germination, on diminue par 2 ou par 3. Ce qui veut dire qu'au lieu de mettre 15 jours, ils mettront 4-5 jours, donc ils vont germer avant de pourrir. Donc le congélateur, et c'est un bon outil parce qu'on peut mettre les sachets comme ça de papier tel quel dans le congélateur, et puis les sortir, remettre, et puis si on ne le sème pas tout de suite, en tout cas au cours de l'année, on peut encore les ressemer, ça reste valable. L'année d'après, je ne sais pas, on n'a pas encore l'expérience depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore beaucoup de retours de ça, de l'année d'après, de gens qui ont fait. Mais l'année même, les graines, à un moment donné, dans le commerce, ils l'ont fait, ils appelaient ça des graines forcées. C'est un peu abandonné, mais c'était ça, le principe c'était ça. C'était passé soit dans des autoclaves, ils ont essayé au début avec des autoclaves, donc à la vapeur et tout, mais là, les graines étaient foutues. Ceux qui n'étaient pas utilisés tout de suite étaient foutus. Après, le froid, pas. Le froid, là, ça marche bien. Mais ils ont abandonné ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, certaines filles qui font peut-être des graines forcées. Le mot forcé fait peur maintenant. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, voilà. C'est tombé comme ça en disuétude. Mais ça coûtait cher. Hein, Il faut dire, quand on met au congélateur, il vaut mieux mettre le nombre de graines qu'on va semer, pas mettre tout le paquet, parce qu'après, Mais je pense qu'au cours de l'année, les gens m'ont dit que c'était valable encore. Ils n'ont pas semé tout de suite et ça a resté... Il y a des gens qui laissent tout le temps dans le congélateur aussi. Mais ça peut, hein. À mon avis, ça peut, parce qu'on conserve les graines pendant des années dans des trucs frigos, là, en moins 18, là. Et ceci est valable pour toutes les graines. Pardon ? C'est valable pour toutes les graines. Ah ouais. Je ne vois pas de... Ouais, d'accord, oui. Pas les bulbes, hein, mais les graines... Pas les bulbes. Les graines, pas les bulbes. On a essayé avec les bulbes, ça a été une catastrophe. Ils sortent de l'eau. C'est vrai, on a... c'était là, ça n'a pas marché. Mais pour les bulbes, par exemple, pour les pommes de terre, si on veut les conserver un peu plus loin, par exemple pour les freiner, les pommes de terre, parce qu'ils germent vite, pour les freiner un petit peu, le fond du frigo, ça marche. Le frigo, c'est 3-4 degrés, non ? Je ne sais pas combien de café. Ça marche pour les bulles, le frigo, mais pas congélateur. Ouais. Et surtout la lumière pour les pommes de terre, il faut de la lumière. Oui, on va parler alors des pommes de terre là maintenant. Il y a quelqu'un qui demandait quelque chose. Je posais simplement, quand vous les mettez au congélateur, par exemple le sachet de graines, vous le remettez dans un autre sachet papier, pour le mettre dans le congélateur. Non. Pour ne pas le perdre, vous pouvez le mettre dans un sac en plastique avant et le ressortir après. Mais non, pourquoi ? Il y a beaucoup de choses dans le congélo. Il est où ? Pour le retrouver après. Non, je ne pense pas. Ça dépend de l'état du congélateur. Et l'état du sachet de glace comme ça. C'est que le joint n'est plus bon. Alors, donc on est arrivé au bout des semences. Pour le moment, il y a encore deux sachets à faire. Donc on est en train depuis le mois de janvier. Donc il n'y a jamais eu autant. Il y en a encore qui doivent rentrer et tout ça. Alors celui qui veut donner un coup de main aux semences ou à quelque chose d'autre, c'est tous les jeudis après-midi. Donc c'est plus tous les jours, c'était tous les jours jusqu'à mi-février. Mais celui qui veut donner un coup de main à l'un ou l'autre truc au jardinage, Ils peuvent venir jeudi après-midi pour faire les semences qui arrivent encore ou des autres trucs améliorés. Peut-être mettre le nom sur les boîtes, des numéros, il y a un peu du boulot. Hein, il y a un peu. Il y a des boîtes, ceux qui en dedans, ne correspondent pas à l'étiquette qu'il y a en face. Les numéros, bien, hein, mais bah, enfin, il y a du boulot à ça. Voilà. Donc jeudi après-midi, hein, c'est ouvert tous les jeudis après-midi. Alors, voilà. À l'heure aussi, pour celui qui a un peu plus d'expérience, jeudi après-midi aussi, pour l'accueil des nouveaux, pour guider, pour faire guide dans le jardin ou guide ici, pour le machin, celui qui a envie de faire ça, qui a envie de jouer avec ça, il y a aussi pour l'accueil. Tous les jeudis, il y a tout plein de nouveaux, la salle est remplie, pas comme maintenant, mais presque. Et puis, alors, un tas de gens qui demandent des renseignements, des informations. Donc, si vous n'avez rien à faire, plutôt que de courir les rues, ben, venez. Voilà, voilà. Votre femme, pour les hommes, votre femme va être contente, vous venez ici et tout ça. Mais il y a de la bonne bière quand même ici aussi, hein, pour celui qui veut. Voilà, alors, les pommes de terre. Les plants, ça diminue, il n'y en a plus beaucoup. Mais on a eu, cette année, on a cultivé 37 variétés différentes. Et ils sont dans la serre californienne, en face, les plants à vendre. Donc, on a fait, donc on a Albeck au jardin communautaire, moi aussi un petit peu, on a fait des plants. Donc, on achète aussi un peu partout tous les pommes de terre qui sont résistantes, productives, bonnes, mais aussi résistantes au milieu. Donc, on essaye, on fait. Là, cette année, Albeck, on a cultivé 37 variétés, 39 je pense, mais il y a 37 variétés qui ont donné assez pour avoir quelques plants. Alors voilà, on fait nous-mêmes les plants. Chacun, c'est la première affaire que les jardiniers bio doivent faire, c'est faire leurs plants. Donc au moment de la récolte, il ne faut rien faire de spécial, rien. Hein. Au moment de la récolte des pommes de terre, quand c'est leur temps, vous récoltez les pommes de terre, vous mettez sur le côté les pommes de terre qui vont servir de plants, qui ne sont pas très utiles pour manger, je veux dire 2-3 cm de... Ça fait des beaux plants, 2-3 cm. Vous les mettez, vous les tirez au moment où vous ne faites rien, puis vous les mettez dans des bacs à claire-voie. Donc maintenant, ce n'est pas difficile à trouver. L'un sur l'autre, une rangée, l'un sur l'autre, le dernier bac vide, dehors. Donc voilà. Et donc, au vent, à la pluie, au bazar, donc vos pommes de terre vont devenir vertes, noires, vont être dures comme des cailloux. Celles qui ont été malades ou qui ne sont pas très bonnes, elles vont sécher ou pourrir. Et donc, c'est comme ça qu'on régénère, qu'on fait des bons plants. Donc, ce n'est pas nécessaire d'acheter dans le commerce, vous ne laissez pas avoir comme ça. C'est comme ça qu'on régénère des variétés, qu'on reproduit des bons plants. Mais on s'est reproduit comme ça des bons plants, des bonnes pommes de terre, à condition qu'au départ, les pommes de terre soient bonnes. Ben ouais, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que nous, on recherche des pommes de terre qui ont du bon goût, belle production, et c'est difficile à trouver. Il n'y a jamais aucune pomme de terre qui réunit toutes les qualités. Hein. Souvent, ils sont très bonnes et puis ils sont un peu moins productifs et tout, mais voilà, il y a un peu de tout. Il y a là, sur la table là-bas, un livre avec un peu de détails sur les pommes de terre. Donc, ils sont à vendre, là, mais ça a diminué fort. Hein, ils ont eu beaucoup de succès. 5 tubercules pour 25 centimes. Donc, c'est pour que chacun ait la source. Une fois qu'on a la source, on peut multiplier soi-même. Hein, le tout, c'est d'avoir la source. Donc ça veut dire qu'on n'en prend pas plus que 5 aussi. Non, pas plus que 5 de chaque variété. C'est pas 5 fois 5. Hein, mais il y a déjà beaucoup de variétés qui sont... beaucoup de variétés qui ne sont plus là. Alors, les pommes de terre, pour la plantation des pommes de terre. Il faut adopter les nouvelles mesures, les nouvelles informations, je veux dire, en bio. En bio, en général, c'est planter rien profond. Alors pourquoi planter rien en profondeur? Rien, aussi bien les semences que les patates, que n'importe quoi, que les asperges, que tout ce qu'on dit qu'il faut, les poireaux. Il y a des gens qui plantent des poireaux, là, ils sont bientôt en Chine. Là. Mais alors, ça ne va pas bien en bio, ça ne va pas bien. Ça va bien peut-être celui qui utilise des engrais de synthèse, hein, des engrais chimiques, parce qu'il met tout plein d'engrais chimiques, la plante est obligée, bon, dans n'importe quelle... La terre n'a plus d'importance, dans n'importe quelle condition, c'est comme s'ils étaient en labo, et ils mettent des engrais chimiques de synthèse, donc la plante est obligée de débouffer, et donc peut-être que comme ça n'a pas d'importance. Mais en culture bio, pas, on remue la terre le moins possible, et on sait très bien que la terre, elle est fertile. Les premiers centimètres sont les plus fertiles, à fur et à mesure qu'on descend, c'est de moins en moins fertile. Mais c'est surtout les premiers centimètres, puis après, selon les années qu'on fait en bio, hein, qu'on n'a pas touché la terre, qu'on l'alimente et tout ça, que ça augmente. Donc quand on arrive à 10 cm, c'est déjà formidable. Mais on peut arriver, après des dizaines d'années, à 15 ou 20 cm de terre vraiment fertile. Mais de toute façon, c'est toujours celle qui est en surface qui est la plus fertile, hein, qui est la plus riche, la plus vivante, la plus fertile. Donc, premier principe, c'est de ne jamais mettre, enterrer les plantes, repiquer les plantes ou semer les plantes qui sont dans la terre qui est la moins fertile. Ça paraît logique, mais enfin, il faut faire le lien. Alors, tout comme ça. Donc, les pommes de terre, surtout. Alors, les pommes de terre, c'est les mettre sur le sol, ou bien 5 cm, ou maximum 10 cm. 10 cm, ça veut dire la hauteur de la patate, ça veut dire qu'il n'y a que quelques centimètres au-dessus. Donc, assez près du bord. Et utiliser la technique du butage. Hein, comme les pyramides, c'est le machin à pyramide. Donc, tout ce qui est, c'est valable pour les autres plantes aussi, tout ce qui est pyramide. Tout ce qui est pyramide est beaucoup plus oxygéné, beaucoup plus chaud. Donc, beaucoup plus vivant. Hein, parce que, donc vous faites une pyramide, il y a trois fois plus de terre que si c'était à plat. Donc, il y a trois fois plus de surface qui sont réchauffées. Pour certains légumes, c'est formidable. Par exemple, carottes, vous faites une petite butte, vous faites une butte, vous semez les carottes sur la butte, et puis la carotte va pousser donc à l'intérieur de la butte, puis dans la terre. Mais toute cette partie-là va être réchauffée. Ça fait des carottes extraordinaires. Donc des carottes qui vont jusqu'au kilo, et même plus, et qui restent d'une tendreté, sans cœur, sans rien. C'est formidable. Donc pour certains légumes, c'est formidable. Cultiver sur des légères buttes. C'est valable aussi ail, oignon, échalote. Donc la butte doit être adaptée aux légumes. Légère butte, même de 5 cm, par exemple pour ail, oignon, échalote. Rien que ça, au-dessus, c'est déjà beaucoup, mais c'est déjà une amélioration formidable. Il faut peut-être faire la différence entre buter après ou faire la butte avant. Parce qu'on ne bute pas des carottes, on fait la butte. Oui, on fait la butte et puis on sème dessus. Pas comme le poireau. Ouais. Et les oignons et tout ça. Donc alors, les patates, donc c'est pas trop profond, hein, donc piqué, et accompagné en butage. Et donc là, vous savez doubler ou tripler votre production en faisant un butage plus important. C'est l'intermédiaire entre les tours à patates qu'ils avaient à un moment donné. On avait parlé de tours à patates. Moi, j'ai essayé ça, j'ai essayé de tous les moyens pendant des années. Ça n'a pas marché, sauf le bas. Donc, ça faisait un gros butage. Là, il y avait deux ou trois fois plus de production dans le bas. Et c'est tout, mais ça n'a pas grimpé. Donc, résultat, c'est buter beaucoup, accompagné en butant, et même mettre quelque chose qui empêche, par exemple, un cercle de un cercle, quelque chose qui empêche qu'on peut buter plus loin sans que ça éboule. C'est aussi, pour les pommes de terre, pas faire des carrés. Donc, pas faire rien en bio, il faut faire des carrés. Hein. Une ligne ou deux lignes d'une même chose maximum, hein, maximum deux lignes. Hein. Tout doit être séparé. Donc, vous faites un ou deux rangées de pommes de terre là-bas, plus, hein, après 5 mètres plus loin. En tout cas, c'est tout votre jardin comme ça, jamais deux lignes en même temps. Parce qu'on a remarqué que les maladies commencent toujours au milieu, au centre, quand on fait des carrés, surtout pour les pommes de terre, le milieu commence toujours au milieu, quand vous faites au milieu. Et les pommes de terre du tour ont deux fois ou trois fois plus de production que les pommes de terre du centre. Donc, résultat, faisons des lignes tout seul ou des lignes à deux. Alors, je vais dire, l'idéal, enfin, il n'y a pas d'idée, ce serait une ligne tout seul. Mais, il y a avantage quelquefois à faire deux lignes. Alors, pourquoi faire deux lignes, l'une à côté de l'autre, à 60 cm quand même, hein. Donc 60 ou 70 cm pour bien buter, parce que quand le butage final est terminé, après 2-3 fois, comme ça qu'on a monté le maximum, dans le creux, on sait venir mettre tout plein de compost, tout plein de fumier, tout plein de déchets, je veux dire de déchets de toutes sortes, pour maintenir l'humidité. Donc c'est pas ça qui va influencer, je veux dire, c'est pas ça qui va donner de l'engrais aux pommes de terre, ça c'est trop tard. Mais ça va maintenir la terre fertile parce que tout ce compost, ce fumier frais, ce truc, va travailler, décomposer, va maintenir l'humidité et la terre va de nouveau être fertile pour que quand on tire les pommes de terre, ça va d'ailleurs être beaucoup plus facile pour tirer les pommes de terre, hein, parce que la terre reste souple, la terre va devenir fertile pour ce qu'on met après. Parce que quand on met après, par exemple, on tire les pommes de terre, on met des poireaux, par exemple, après, la pomme de terre a vidé du sol, elle a pris beaucoup. Quoi, et le sol est devenu trop... pas infertile, mais enfin, plus trop pauvre. Et donc, les plantes, après, ça ne va plus. Tandis qu'en faisant ça, par exemple, on maintient la fertilité du sol. Il faudrait retenir l'idée pour tout, d'ailleurs. Pour les tomates, pour les poivrons, pour les aubergines, tout. Chaque fois qu'une plante devient, elle est bien partie, de mettre au pied, tous les plantes ne supportent pas ça. Ail, oignon, échalote, il vaut mieux pas. Les légumes à racines, non plus. Hein, les légumineuses non plus, mais chaque fois qu'on peut, avec les autres, les choux, les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les poivrons, tous ces, chaque fois qu'ils sont bien partis, de les mettre au pied une couche à 10 cm, 15, 20 cm, hein, de, même de fumier frais, de déchets comme ça grossiers au pied, parce qu'après, ça va servir à la plante, maintenir l'humidité, ça va être bien, il faudra même quasiment diminuer, en tout cas, ça va diminuer de beaucoup l'arrosage et tout, et après, la terre va rester fertile et même va augmenter sa fertilité. Et avec le fumier frais, vous n'avez pas de maladie? Ah non, non, non, non, non. Du moment que c'est... Alors, le principe, c'est jamais rien enterré. Jamais rien enterré. Donc un mulch, alors. Comme ça, on sait. Un mulch, oui. Et même, vous voyez, avec même du fumier frais, de n'importe quoi, du moment qu'il est mis en surface, ouais. Ou du gazon, enfin, du gazon aussi, oui, oui. Mais le gazon, soit il doit être... S'il est mis tout seul, il doit être mis en fine couche. Un ou deux centimètres. Parce que ça... Le gazon, il devient... Comment? Il empêche l'air dans l'atmosphère, il fait une couche, comment on appelle ça, étanche. Hein, donc, ou alors le gazon mélangé avec de la paille ou avec des autres compostes. Tout seul, alors, mais des couches fines. Ah ouais, le gazon est un engrais formidable. Hein, les tombes, toutes fraîches, hein, pas séchées, rien, directement. Hein, tous les déchets directement sur la terre, recyclés tout de suite au pied des plantes. Alors, il faut dire qu'il vaut mieux mettre des fines couches tous les 8 jours que de mettre une grosse couche tout d'un coup. Ça dépend pourquoi. Pas toujours. Non, par exemple, pour les tomates, on a tous les solanum, la famille des solanum, les aubergines, les poivrons, les tomates, ont intérêt à avoir, une fois que c'est parti, une grosse couche. Oui, ça va. Ouais, ouais. Pour les poivrons. Ouais, pour les autres affaires, une petite couche. Ouais, ça dépend quoi. Pas toujours. On parle aussi de fumier et pas de caca. Hein. Oui. Si vous mettez les fientes de poule ou de pigeon, ça brûle. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, quand on parle fumier, c'est fumier. Ça veut dire avec paille ou avec sciure, avec bois. Ouais, c'est pas le caca. Plus de paille que de crotte. Ouais. C'est fumier, ouais. Alors, le semis, on est toujours dans les pommes de terre, les patates. Alors, pour avoir la même production. Donc, optimum. Si vous avez des petits plants, donc qui font 1 ou 2 cm, sur la ligne, il faut les mettre tous les 20 cm pour avoir la même production. Si vous avez des plants, et donc les petits plants, donc vous avez des petits plants, ça donne des grosses patates, quasi automatiquement. Hein. Donc, les petits plants de 1 ou 2 cm donnent 3, 4, 5 grosses patates et presque pas d'autres. Si vous avez des pommes de terre moyennes, donc de 3-4 cm, là, ça donne presque à part égale des petites, des moyennes et des grosses. Si vous mettez des grosses pommes de terre, des gros plants, vous avez une grande majorité de petites et de moyennes. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, faire beaucoup de plants, si vous voulez avoir beaucoup de plants, vous avez une variété rare que vous voulez, que vous avez que quelques-uns, vous voulez faire beaucoup de plants, vous avez intérêt à faire les plus grosses possibles. C'est les plus grosses qui donnent beaucoup de petites et de moyennes. Voilà. Si vous voulez des patates à frites, intérêt à mettre des plus petites et tout ça. Mais pour avoir la même production, il faut regarder sur la ligne pour avoir la même production. Donc, 30 cm, par exemple, pour 3-4 cm, hein, un plan de 3-4 cm, 30 cm sur la ligne, hein, pas entre deux. Hein. Sur la ligne, ça va. Si c'est plus petit, 20 cm. Si c'est plus gros, 40 cm. Il faut arriver à ce que tout il se touche. Donc, à la fin, quand c'est mûr. Si avec les petites, vous les mettez aussi à 40 cm, vous n'aurez que la moitié de la récolte. Hein. Ah, donc, c'est ça qu'il faut... D'accord. Vous pouvez aussi mettre, avec les petites, par exemple, si vous mettez à 30 ou 40, mais alors, il faut mettre 3 ou 4 petites dans le même trou. Ça marche aussi, hein. Hein, si vous avez des pommes de terre comme des billes, hein, que vous n'avez pas autre chose, ah ben, dans le même trou, vous mettez 3, 4, et chaque petite pomme de terre va faire une tige, mais si vous en mettez 3, 4, vous aurez 4 grosses tiges, et donc, comme une choc ordinaire, je veux dire. Alors, voilà. Donc, c'est à ça qu'il faut... S'il y a des questions, si c'est pas compris, il faut demander. Ouais. Il me reste des petites pommes de terre à la cave que je n'ai pas poudrées, évidemment. Ouais. Donc, ils sont restés à la cave en hiver. Je peux les utiliser comme plants. Oui. Alors, pour accélérer les germes, pour faire sortir de leur dormance, parce que les patates entrent aussi en dormance, pour faire sortir de leur dormance, c'est obscurité et chaleur, pour faire démarrer les patates. Mais souvent, c'est le contraire qu'il faut. Pour les faire ralentir, parce que ça démarre trop tôt, c'est froid et maximum de lumière. Donc, les gens qui ont... Un des inconvénients, je veux dire, des pommes de terre qu'on fait soi-même, comme ça qu'on multiplie, c'est qu'ils sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus rustiques, Donc, et qui démarrent plus tôt, hein, qu'on a des misères, qu'il faut les freiner. Alors, pour les freiner, c'est maximum de lumière et froid. Comme, donc, comme, on peut les mettre dehors, s'ils ne gèlent pas, tant qu'ils ne gèlent pas, comme maintenant, si on veut, on peut les mettre dehors, ou même il y a quelques temps, hein, pour les ralentir. Hein, on peut les, voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. On ne fait jamais le tour de tout. Hein, mais... Et il vaut mieux pas tirer légèrement. Oui, oui, oui, c'est un moyen, oui. Même si elles sont fort longues. Même si elles sont fort longues, si on peut maintenir les gènes, ouais, on va gagner un petit peu, oui. On les plante dès maintenant? Non. Oui, oui. Généralement, ça va partir de la Saint-Joseph, qu'on dit le 19 mars. Mais on les plante surtout que la terre est bien essuyée. Moi, j'en ai déjà planté dans mes... Les premières créatives, là, dans une couche que j'ai mis un plastique dessus, là. Donc, c'est comme il dit, les premières créatives, ça veut dire un petit peu... Mais le plus gros de, de la plantation, on a atterré, ça se fait au mois d'avril. Hein. Ouais, ouais. On a, et même après, hein. Même après on a atterré. Les pommes de terre donnent bien quand la terre est déjà chaude. Hein. Ouais. Alors, quelque chose que j'ai oublié, c'est très active. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les pommes de terre, mais aussi pour les autres légumes, hein, pour n'importe quoi. Ce n'est pas le moment où il faut les semer, où il faut les planter. Hein. Les indications, la très active. C'est la durée de culture. Donc, une pomme de terre, par exemple, très active, c'est 80 jours. Active, c'est 90 jours. Demi-active, c'est 120 jours. Donc, à partir du moment où elle, vous la plantez, et à partir du moment où elle apparaît, le feuillage apparaît, le premier feuillage apparaît, c'est, par exemple, une active, c'est 90 jours de culture, après, vous pouvez récolter. Donc, mi-active, 120 jours, mi-tardive ou tardive, 140 ou 150 jours de culture. Donc, c'est la même chose pour les... Pour les légumes, hein. Donc c'est pas le moment du semis, c'est la durée de culture pour les laitues, pour tout. Ça veut dire qu'on peut très bien, pour les laitues, par exemple, actives, les semer au printemps, mais on peut les prendre en automne aussi, quand il est trop tard avec les autres. Et donc la durée de culture est plus courte. On reprend à la fin d'été, on ressème des laitues pour avoir en automne des très actives. C'est valable pour tous les légumes d'ailleurs. Donc les pommes de terre aussi, il y en a qui font ça d'ailleurs. Il y en a qui font qu'il y a des résultats. Ils mettent des actives maintenant, et avec les plantes, ils les replantent tout de suite. Donc à la fin d'été, et ils ont en automne de nouveau. Tandis qu'avec les autres, on ne sait pas faire ça. Avec les mi-actifs, c'est déjà 120 jours de culture, ou avec les tardifs non plus. Il faut 140 ou 150 jours. Donc on peut jouer avec ça. Hein. Donc l'indication, c'est ça. Hein. Pour tous les légumes, pour toutes les plantes, en jardinage actif, ce n'est pas le moment du semis. Hein. On peut jouer avec ça. Disons que moi, je fais ça la deuxième culture, mais je ne le fais pas avec les plants que je tire. Au moment que je replante, parce que là, il rentre en dormance, je pense que ça n'irait pas. Mais il faut conserver 10, 20, 30 plants à la lumière, surtout, jusqu'à ce que vous tirez les premières, donc fin juin, quelque chose comme ça, au mois de juin, et vous replantez le jour même. Vous tirez, vous replantez. Et vous avez à la fin de l'automne des pommes de terre. Ça marche très bien. De primeur. Hein, mais là aussi, il faut garder quand même le terrain un peu humide, parce que si vous avez un été fort sec, la pomme de terre n'aura pas de l'eau assez pour... Ou garder les pommes de terre dans le fond du frigo. Hein, ou les garder au fond du frigo. J'ai une question qui concerne tous en partie d'avant. On va installer une ruche au fond du jardin et on compte consacrer une partie du jardin à des fleurs. Ouais. Alors ma question, c'est, on a un sol très lourd, très ingrat. Ah non. Ben, ça ne va pas ensemble. Hein. Je vais le sol lourd, c'est le moins ingrat. Hein. Donc ce que je voudrais savoir, c'est, les semences de fleurs, est-ce que je les sème à la volée, donc sans rien bouger, ou bien est-ce que je les mets à 1 ou 2 cm au fond? Ben, moi je dirais, vous les semez à la volée, vous passez une fois avec un 4 dents légèrement, dessus. Donc il faut quand même une terre un peu émiettée au-dessus. Hein. Mais les fleurs, la plupart du temps, ne demandent pas un terrain nécessairement riche. Hein. Donc il ne faut pas mettre du compost, etc., etc. à l'avance. Hein. Parce que c'est les terrains grands, lourds, qui sont les meilleurs terrains. C'est ceux qui donnent les plus fortes productions. Hein. Les terrains argileux, qu'on dit, et tout ça. Au début, ils sont difficiles à travailler, qu'on disait avant, hein, difficiles à travailler. Mais justement, s'ils sont difficiles à travailler, qu'on ne les travaille pas, hein, qu'on les laisse tranquilles. Hein. Hein. Et qu'on les laisse tranquilles et qu'on met au-dessus, au lieu d'essayer mécaniquement de passer, de faire, c'est pas ça qui va les améliorer. Ce qui va les améliorer durablement, c'est le mulch tout l'année, couverture, nourrir comme ça, et tout doucement, tout, ça va devenir des terres formidables, d'une production phénoménale. Hein. Donc, au plus c'est argileux, au plus c'est lourd, au moins il faut toucher. Alors, sinon, ça coûte pire. Vous bêchez, vous ameublissez un terrain lourd, argileux, et à la première pluie, bouffe, c'est encore plus compact qu'avant. Donc, c'est pas la solution, c'est de mettre le maximum de vie dedans. Donc, un sec, vert de terre, tout. Donc, ramener de la nourriture pour eux, en surface et tout, pas toucher, et c'est la nature qui va faire, la nature et un peu de patience. Un peu de patience. Mais l'idée, quand même, l'idée, elle est bonne. À un moment donné, pour les fleurs, comme vous le machin, à un moment donné, on a pensé, les gens ne savent pas, ils demandent qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce que c'est meilleur, qu'est-ce que c'est. Alors, je pense que pour l'avenir, c'est, on va faire un paquet unique, hein. On va mettre un peu tout dedans, et puis à la volée, et puis. Ouais. Pas une mauvaise idée. Hein, non. Mais l'idée est déjà. Elle est déjà pratique, elle est déjà bonne pour certaines choses. On a remarqué, on a fait les essais, on est sûr de ça. Mais par exemple, pour les pommes de terre. Les pommes de terre qui sont les moins malades, les moins atteintes par mildiou, les machins, c'est les pommes de terre où on mélange toutes les variétés. Donc, en dehors de choisir des pommes de terre résistantes au mildiou naturellement, ça commence, mais mettre les. Par exemple, en Amérique du Sud, là où il n'y a pas de maladie de mildiou, on s'est demandé pourquoi, et on a fait des expériences. Hein, on a ramené des variétés américaines et tout ça, ça a été la catastrophe. Ça a été mildiou, les gens, là, ils sont presque morts de faim, il était temps qu'ils retrouvaient leurs anciennes variétés, alors que la pomme de terre est originaire de là, hein, Équateur, Pérou, Bolivie et tout ça, c'était la catastrophe. Ils ont dardard recherché le. Donc ils ont mis du, ils ont eu cette là. Et après, ils ont remis les anciennes variétés et tout ça, rapide, et puis ils ont pu mis du, alors que mildiou avait existé. Hein, donc ils ont dit, c'est quand même. Et une des causes, on ne sait pas encore tout, parce qu'il n'y a jamais rien qui est à 100%, c'est que chaque pomme de terre est une variété différente. Donc ils n'ont jamais fait le choix, par exemple, nous on a ça, on a tel bazar. Eux, ils ont de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tout, et donc tout est mélangé, et mettre chaque plant est un machin mélangé. Et on pense que c'est comme ça, ça influence. C'est là, la pigmentation. Avant, on ne s'intéressait pas beaucoup à ça, on s'est intéressé à ça parce que pour la santé, on a vu tout de suite que ce n'était pas la couleur. Hein, on a dit les rouges, verts, on s'est aperçu que couleur, plus que la couleur, c'était des pigments, et que des pigments avaient une influence formidable sur la santé. Des pigments, c'était il y avait des qualités différentes, il y avait des actions très différentes. Hein. Donc, ce n'était pas seulement le colorier, c'était ça agit. Et donc, la couleur, comme pour la santé, on dit qu'il faut manger du rouge, hein, parce que le rouge, c'est peut-être pour ça, le vert pour ça. Donc, on commence à la non. Donc, ce n'est pas seulement des couleurs, c'est pour la santé, c'est absolument indispensable, hein, comme ce qui est acide, doux et tout aussi pour la santé. Et donc, ils émettent des sécrétions par les racines différentes. Selon, je veux dire leur couleur, mais selon leur pigmentation, c'est des choses différentes, des actions différentes, et ça protège. Et la même chose, maintenant, on fait des essais, et même plus que les essais, avec les carottes, avec les laitues, avec tout ça, et ça donne des bons résultats. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une seule variété, par exemple laitue, carotte, ben vous choisissez 4-5 laitues que vous aimez bien, à condition que ce soit le même. Le même temps, à peu près, là les hâtives ensemble, mais pour le moment, on en est là. Ou les carottes, hein, les mêmes catégories ensemble, mélangées plusieurs, machin, et semées. Vous allez avoir de toutes les couleurs ensemble, ils vont, et ils sont beaucoup moins malades, ils se portent beaucoup mieux. Comme, donc, pour le jardinier, c'est la même chose, je veux dire. Mais donc, c'est un grand avantage. Parce que aussi, par ici, je veux dire, ça va devenir quasi indispensable. Parce que. On est ici, le coin, la seule région où on a tous les climats sur une même semaine. On passe du glacial au tropical d'un jour à l'autre. Hein, c'est extraordinaire. Sur une même semaine, on peut avoir des gelées, on peut avoir 20 degrés. Donc, ça devient impossible. Alors, quelle variété choisir? Il y a des variétés qui aiment bien le soleil, bien la chaleur, d'autres qui aiment mieux le froid. Donc, on ne sait pas parce que le temps, il change sans arrêt et on n'a pas de saison. Donc, les saisons, il n'y a plus de saison marquée maintenant ici. Hein. Donc, un été chaud, humide, torride, tout ça. Il y a des étés, il pleut tous les jours. On est dans une région comme ça. Donc, pour multiplier nos chances, il faut aussi multiplier la biodiversité. Mais à l'intérieur des semis, même, mettre plusieurs, parce qu'il y a des laitues qui résistent mieux au froid, au chaud. Donc, si on met ensemble plusieurs variétés, on est sûr d'avoir des résultats. Il y a une qui va donner moins selon le temps, mais les autres vont donner plus. Voilà, c'est ça. Pour les sols lourds, argileux, etc., et la question des engrais verts, ouais. Ça ça permet quand même d'alléger un peu le sol. Mais il faut considérer que tout ce qu'on sème, c'est des engrais verts. Oui. Il n'y a pas que des engrais verts à part. Oui. Tout est engrais vert. Et si on veut, par exemple, ajouter, faire un apport... Les légumes eux-mêmes, c'est d'abord les engrais verts. Donc on sait, mais il peut y avoir à côté des épinards, de la moutarde. Mais tous les... Il faut le citer tout de suite, donc tous les légumes sont des engrais verts. Hein. Il faut considérer que tous les... Il ne faut pas faire des choses... L'ortie, par exemple. Bah oui. Ouais. Par exemple, de quoi ouais. L'ortie. Ouais. Ouais, bah, l'ortie, c'est un bon légume, hein. C'est un bon légume, hein. Moi, je mets quand je plante les tomates, j'en mets, mais je ne sais pas si c'est... Dans le trou. Oui, ben ça c'est. Ouais, ben, à mon avis, c'est une erreur. Maintenant, on est revenu de ça. Mais, il ne faut rien enterrer. Il faut le mettre au-dessus. Quand c'est fini la plantation. Mais rien dans le trou. Parce que tout ce qui est au contact des racines gêne la plante. Et même fait pourrir. Mais maintenant, au début, on a mis des choses. Mais on dit les mêmes choses maintenant au-dessus. Ah ouais, faire un compost. Enfin, un compost ou les orties fraîchement coupées au-dessus. Ça aide. Mais dans le trou, ça gêne plutôt. Donc pareil pour les engrais verts. Si on fait les engrais verts et qu'on les enterre après... Ah non. Ouais, jamais rien enterré. Ouais, jamais rien enterré. Faucher, laisser au-dessus. Ouais. Bon, alors, j'ai dit tout pour les patates. Pardon ? Il y avait des gens qui demandaient des questions là-bas. Moi, j'ai une question. C'est une question, mais ce n'est pas en rapport direct avec ce qui vient d'être dit, c'est plutôt en rapport avec ce qui a été dit précédemment. Ouais, allez-y. Il ne faut jamais avoir peur ici. Hein. Si vous avez peur, vous n'allez jamais poser votre question. Hein, il n'y a pas d'ordre ici. Tout à l'heure, vous préconisiez la culture des légumes en ligne. Oui. Et ça me taraude parce que j'ai entendu parler d'autre part qu'on pouvait faire des carrés de légumes, les mêmes légumes par exemple une salade, et que ça poussait très bien aussi. Ah non, ça c'est un non-sens. C'est un non-sens. La biodiversité existe. Ouais, il faut mélanger le maximum de biodiversité sur la même place. Oui. Le maximum de légumes différents et tout dans un même espace. Uh-huh. Mais là, il faut bien voir ce qui va ensemble, ce qui ne va pas ensemble. Ouais. Et je vais en parler, je vais donner quelques exemples là, après de trucs qu'on peut faire ensemble. Ah non, jamais faire des carrés d'une même chose. Attire les mêmes prédateurs alors. Hein, ça attire les. Et puis ça prend alors dans le sol les mêmes éléments. Donc il faut mettre des choses différentes qui s'aident l'un à l'autre. Les sécrétions d'une plante aident la plante à côté. C'est un aliment pour... Non, ça c'est... Et faire en ligne, ça c'est important. Parce que, contrairement... Alors, quand un jardin, je veux dire en été, ça paraît un jardin anarchique. On dirait que tout il pousse dans tous les coins. C'est un bazar. On dirait comme ça. On dirait qu'on a acheté à la volée tout. Mais c'est pas vrai. Il faut être très méticuleux au départ, faire en ligne et tout ça, et après tout il se remplit. Parce que si on ne fait pas ça, on ne sait pas faire bien les associations, on ne sait pas. Donc il faut être, contrairement à ce qu'on pense, bien méticuleux, et surtout respecter les distances. C'est-à-dire que quand on commence à semer, à planter, on ne fait pas les petites distances. Ça doit être minimum 50 ou 60 cm. Les échalotes, les oignons, les tout ce qu'on met, toujours. Pour qu'après ils puissent venir entre deux, repiquer entre deux. Je ne sais pas, deux, trois choses après. Hein. Au milieu, entre deux, et tout ça, voilà. Donc, par exemple, on met l'oignon et échalote 60 cm. On dit, mais ça, c'est incroyable. Ben non, parce que alors, pendant ce temps-là, les laitues, ils poussent en pot, en pépinière, puis on vient piquer les laitues entre deux. Hein, par exemple, là, ça, c'est déjà ça. Puis après, quand il y a les choux de Bruxelles, par exemple, repiquer les choux de Bruxelles entre les laitues. Donc là, les choux de Bruxelles vont monter en haut, les laitues là, donc on va récolter les échalotes, les oignons, enfin d'abord les laitues, les oignons, les échalotes, et puis les choux de Bruxelles auront tout la place. Je dis trois trucs comme ça, mais ça peut être plus aussi. Donc toujours dans le temps, et donc ils vont céder l'un l'autre, et on peut faire comme ça deux fois, trois fois plus de production sur le même terrain. Donc sur un plus petit terrain, beaucoup de ils vont céder. Bon, je vais continuer parce que ça va. Pardon ? Gilbert ici, derrière. Comment vous faites pour la rotation ? Pas, non. C'est une rotation permanente. Hein. Il n'y a plus de rotation sur l'année ou d'année à l'autre. Hein. La rotation se fait la même année sur le même terrain. Il y a 10 variétés qui vont, et des variétés différentes qui vont planter à des hauteurs différentes, à des profondeurs différentes. Donc il n'y a plus besoin de... Non, il n'y a plus besoin de cette... Ça se fait comme ça, sans arrêt, il n'y a plus besoin. Ah ouais. C'est fini ce truc-là. Et même, il y a beaucoup de choses, par exemple, tous les solanums peuvent revenir là à la même place, ils ne demandent pas mieux de revenir à la même place. Les pommes de terre, on peut cultiver les tomates, les aubergines, les poivrons, ils peuvent revenir 10 ans à la même place, à condition de laisser les déchets sur place. Parce que ça fait des... comment ? Vaccins. Ça fait des virus, des microbes, des machins, tous les plantes, mais il y a toujours les antilles qui viennent. Et donc, par exemple, il y a des bactéries, des champignons anti-mildiou qui sont là sur place, qui se développent. Quand on laisse les déchets sur place, ils sont déjà sur place. La défense de la plante est déjà sur place, quand on les remet, à condition de laisser les déchets sur place. Alors, les solanums peuvent revenir. Quand j'ai commencé le jardinage, je ne savais rien, tout ça, j'ai commencé à 30 ans. Et mon voisin ici, tout le temps, pendant 20 ans qu'il était là, je l'ai vu mettre sur son jardin, il n'aimait pas le jardinage, il n'aimait pas, donc il mettait des patates. Pendant 20 ans, j'ai vu mettre des patates. Et ça m'a toujours étonné, il récolte des patates formidables pendant 20 ans, donc ça... Au début, ça allait à l'encontre de tous les principes, de tous les trucs. Oh, il m'a fallu des dizaines d'années, et puis l'évolution, pour revenir là, on a dit, il avait raison. Mais lui, il ne savait pas non plus qu'il avait raison. Il mettait des patates, parce qu'il était tranquille avec des patates. Hein. Et les patates, il vidait son cabinet sur ses patates. Hein. Et ben voilà, c'était ancien. Et moi, ça m'étonnait, je dis, c'est à l'encontre de tout. Et maintenant, scientifiquement, il avait raison, c'est quand même dingue. Comment que les choses peuvent changer, évoluer. Donc, il y a des plantes qui n'épuisent pas, qui font. Ouais, voilà, les fans de pommes de terre et de tomates, c'est valable aussi, on peut les laisser sur place. Fans de pommes de terre et tomates. On doit, c'est ça. Tout doit être recyclé. Parce que justement, ça faisait partie des choses qu'on m'avait dit. Oui, tout ce que tu veux, mais pas les pommes de terre et pas les tomates. Pas ensemble. À cause du milieu. Pas les pommes de terre et les tomates ensemble. Non. Hein, mais, comme association. Mais ça, c'est ça. Les fans à la fin. Mais oui, c'est sûr. Ça. Moi, on me disait. C'est d'une richesse folle. Les brûler. Ah ouais. Donc, à cause du mildiou. Ouais. Tout ce qu'on peut brûler de temps en temps, c'est quelques sorcières si on en trouve. Ouais. Ah ouais. Il paraît que c'est interdit. Parce qu'on disait, surtout pas ça dans le compost. Ça se recycle. Ah, c'est sûr. Mais non. Ouais, mais il ne faut plus faire de compost. Hein. Il faut mettre directement en surface, partout le plus vite possible, en l'état le plus frais possible. Il n'y a rien de plus simple, plus facile. Faut changer d'association. Mais, je ne vais pas arriver. Au bout. Là, je vais continuer un petit peu. Hein. Allez, 5 minutes. Oui. Sur les côtés, Alors, par exemple, c'est ça qu'il faut l'imagination. Donc, on prend la terre sur les côtés, on fait une fosse. Donc, sur les côtés, on fait une fosse. Ce qui est pas mal, dans le fond de la fosse, ça c'est tout juste pour les souffleurs. Hein. Par exemple. Et donc, c'est une bonne association. Hein. Donc, les pommes de terre et machin, vous faites une fosse, la terre est là, et puis sur le côté, c'est. Donc, les souffleurs, dans le fond, eux, ils ont besoin beaucoup d'humidité, par exemple, voilà un des trucs... Avec des pommes de terre actives, hein, pas des tardives. Hein. Oui, c'est ça, il faut toujours chercher qu'est-ce qui convient mieux. Bon, alors, moi, je ne sais plus où j'en suis maintenant, ça. Ignace, à toi, là, jardin ornemental. Donc, le jardin ornemental, c'est ce vendredi ici. Donc, comme chaque année, entre autres, un des sujets qui revient récurrent, parce que chacun a oublié d'année en année, comment on taille les rosiers... Comment on taille la glycine, éventuellement les hydrangeas, etc. Donc, je suppose que Annie va aussi nous offrir un petit peu de ses... Comment tu dis? Tu es là, Annie? Oui. Donc, elle va aussi nous apprendre certaines choses, certainement sur des plantes vivaces ou autre chose. Donc, c'est à partir de 6h jusqu'à 7h30, c'est vendredi qui vient. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, on a parlé de ton des pommes de terre. Il faut dire que la pomme de terre, c'est l'aliment le meilleur au monde. Hein. C'est le plus équilibré. Malgré tout ce qu'on a dit de la patate, beaucoup plus que n'importe que le riz, que le blé, que le... Tout ça, c'est dans les pommes de terre qu'il y a le plus d'équilibre. Et les pommes de terre ne font pas grossir. Et donc, c'est bon. Pardon ? C'est là le plus équilibré. Hein. Tous les pommes de terre, tous les pays au monde qui, ah non, c'est ça le plus, qui ont adopté la pomme de terre, où on peut, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, ça a été une amélioration incroyable. Donc c'est l'aliment de base. L'aliment de base, je pense, le plus équilibré, le plus, hein, en soi. On n'a pas dit les frites. Hein. Pardon ? Ça, c'est tout le 10 centimes. Je ne comprends pas. Moi, ça m'étonne que tu dises ça. Ah bon ? Ouais. De base, c'est l'aliment de base le plus équilibré. Tout seul, hein ? Je demande, en quoi c'est plus équilibré ? Ah ben, il y a de tout. Des vitamines, des protéines, des machins, des sels minéraux, de tout. C'est le plus équilibré en soi, de tous les aliments. Tous les autres à côté, le blé, le riz, le maïs, tous les autres, les haricots, ça dépend, les machins, ont tous des graves, comment, des graves manques en telle ou telle affaire. Alors que la pomme de terre en elle-même contient quasiment tout. Donc c'est le plus équilibré de tout. Donc on pourrait vivre rien qu'avec des pommes de terre. Oui, oui, oui, c'est ça. Et je ne parle pas des frites, hein. Pas des frites, hein. C'est d'ailleurs, à mon avis, c'est la frite qui va sauver l'humanité, hein, au niveau de la morale. C'est sûr, ça. C'est ça. Alors, les frites par aux pommes de terre, bon, là, c'est pas très équilibré. Vous avez un petit peu de graisse avant. Mais, à côté du petit peu de graisse que vous prenez, vous avez un mot formidable pour la santé mentale, pour le cerveau, qui est extraordinaire, hein. Donc, donc, pour la santé mentale, aller dans une baraque à frites, manger un gros paquet de frites avec de la mayonnaise et puis calibri, avec les doigts, tout ça, la graisse qui coule là, tout ça. Ah, vous allez voir, pour la santé, vous allez vous refaire une bonne santé. Pour... Ah ben ouais, ouais. Donc, mais aujourd'hui, c'est pas l'heure du jour. Hein, les frites, mais, Bon, alors, le cours de taille, il faut regarder sur les papiers là, hein, le cours de taille, donc, je l'ai imaginé. Donc, c'est le jeudi de 17h à 19h, le 29 mai, le 5 juin, le 12 juin. Il est marqué sur le papier, là, hein, le calendrier, il faut prendre note. Hein. Donc je ne vais pas, parce que j'ai déjà passé assez de temps et ça. Alors, le cours de greffe, samedi 15 mars. C'est samedi prochain, ça, hein, non ? Ouais. Donc c'est ici, donc c'est les jardiniers, le croqueur de pommes de France qui vient de faire un cours de greffe. Ils vont ramener les porte-greffes et donc venez, vous allez apprendre à greffer. Là, ils vont ramener tout, ils vont vous montrer. Voilà. Donc il y a deux séances, 14h et 16h. Donc 14h à 16h et 16h à 18h. Donc ici, ils vont venir, ils vont vous montrer comment. Vous pourrez même repartir avec quelques petits arbres, à condition que vous payiez le prix du porte-greffe, qui est de 1 euro ou 1 euro 20. Je ne sais plus, cette année, l'année passée, c'est encore 1 euro. Peut-être c'est 1 euro 20 cette année, je ne sais pas. Donc vous partez avec un petit arbre. Mais le but surtout, c'est d'apprendre vous-même à greffer, ils vont vous expliquer comment ça marche, un fruitier, comment hein, tout ça. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est samedi prochain. Donc c'est 14h et 16h. Voilà. Alors la porte ouverte, ville de Mouscron, elle fait la ville, elle accueille pour les entreprises, pour tout. Ils ont demandé si on voulait garder le jardin ouvert, donc l'association. Samedi 22 et dimanche 23, de 10h à 18h. Mars. Mars, oui. Donc ce sera ouvert samedi et le dimanche de 10h à 18h. Donc si vous voulez venir avec des amis, faire un tour du jardin, faire voilà, c'est voilà. Et aussi aider, si vous voulez aider, faire le guide aussi. C'est quelqu'un qui connaît mieux pour accueillir les gens. Voilà. Alors, conférence débat, vendredi 21 mars. On fait ça tous les mois, donc une petite conférence débat, de 17h30 à 19h. Donc le 21 mars, c'est sur le service d'échange. Service d'échange, ça veut dire comment au maximum remplacer l'argent, remplacer le fric par le service en somme. Hein. Il y a toutes sortes de formules différentes. Hein. Moi, je vais travailler un après-midi dans ton jardin parce que je suis jardinier, mais toi, à l'occasion, tu es électricien. Donc, une demi-journée, tu viens à ma maison pour arranger. Donc, c'est essayer de se passer d'argent pour toutes sortes d'affaires, remplacer ça par les heures de travail, pour une espèce de forme de solidarité. Mais il y a tout plein de... Pour le moment, selon les régions, il y a tout plein de trucs différents. Ben, c'est là qu'on va voir si on peut faire quelque chose, comme tous ces trucs-là. C'est voilà. Ce qui se faisait avant, entre voisins et entre... voilà, ouais, essayer de refaire des trucs qui ne sont pas basés sur l'argent, qui sont basés sur l'échange de savoir, en somme. Hein, c'est ça. Hein, remplacer... Voilà, c'est ça. Alors, quelque chose alors qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, c'est la soirée festive. Alors là, la soirée festive, on fait de temps en temps. La prochaine, c'est le samedi 19 avril, à 19h. C'est un groupe du nord de la France, ici, sur la musique irlandaise. Donc, Samedi, alors, soirée festive, c'est quoi chez nous? C'est, ça se fait régulièrement. Hein, la dernière, c'était la chorale des Juifs progressistes de Belgique, c'est ça. Hein. Ah, c'était formidable. C'était déjà un miracle. J'ai dit tout de suite, c'était déjà un miracle. On a réussi à faire venir les Juifs progressistes de Belgique pour rien chanter pour nous. Ils ont reconnu eux-mêmes que c'était un miracle. Faire déplacer des Juifs de Bruxelles pour rien, c'est déjà. Mais ils ont eu à boire et à manger. Hein. Et ils étaient très heureux et très contents. Et venir, l'ambiance et tout était formidable. Ici, c'est quelqu'un qui vient au groupe jardinage et qui est dans un bon groupe formidable parce qu'ils vont jouer dans les pubs irlandais régulièrement. Donc c'est ici. Alors comment ça se passe? Il y a des sandwichs poulet, hein, donc des baguettes, il y a des boissons, du vin, de la bière et tout. Donc c'est pas payant. Il y a une caisse ici, la caisse elle est là, et chacun il met selon ses besoins, selon son machin. Celui qui n'a pas de ressources, il ne met rien dedans. Il peut ouvrir la boîte et faire du bruit comme s'il avait mis. Hein, pour sauver la face, hein, ça, c'est tout. Mais on demande à ceux qui ont les moyens de mettre un petit peu plus. Hein, voilà. Donc le but, c'est faire ensemble une soirée festive. Mais ça, il faut s'inscrire. La liste, elle est sur la table là-bas. Parce que, vous voyez ici, mais on accepte, donc c'est 80 maximum. Hein. Sinon, c'est des places assises, donc c'est pas même plus. Hein. Donc là, il faut s'inscrire au-dessus de 80, on ne sait pas. Donc il faut. La liste, elle est sur la table là-bas. Hein. Mais c'est gay, vous en suivez. L'ambiance et tout, c'est bien. Alors. Ah non, le 23. Bon, on est parti alors pour. Maintenant, les choses sérieuses. On va commencer les choses sérieuses. Hein. Les semis. Alors, il y a la liste là-bas, les semis. Aide-mémoire, là, hein, mars-avril, parce qu'on ne sait pas parler de tout. On voit bien qu'on est déjà avancé avec toutes sortes de trucs. Mais c'est bien, hein, toutes les réunions, comme ça, un petit peu, on va avancer. Hein, donc il faut un petit peu de tout. Hein. Mais maintenant, on va parler des cultures. Alors, urgence. On va commencer par les urgences. L'urgence, c'est les semis à chaud, aubergines et poivrons. Ça, c'est urgent. Semis à chaud, ça veut dire entre 20 et 25 degrés. Après, une fois que c'est levé, une fois que c'est germé, comme pour toutes les autres affaires, comme pour les tomates, comme pour toutes les choses, une fois que c'est germé, ça peut être dans une pièce, après, il peut y avoir 10 degrés de moins, mais ce qui compte à ce moment-là, c'est le maximum de lumière. Donc les plantes, par exemple, aubergines, poivrons, peuvent être très bien à l'obscurité, vous tuez après, du moment que c'est chaud. Mais sitôt que ça pointe, que c'est germé, il faut choisir une pièce, une autre, une serre froide, une véranda, quelque chose, la pleine lumière. Alors, donc, aubergine et poivrons, ça c'est urgent. Parce qu'ils ont, par ici, pour avoir ça, même en pleine terre, quelquefois ça va. Hein, avec un, voilà. Il faut montrer là, derrière toi, là, il y a une bouteille là. Voilà. Alors, maintenant, avant, il n'y avait pas moyen. Alors maintenant, il y a deux choses qui rendent possible. Par exemple, les melons, les aubergines, les poivrons, tout ça qu'on peut cultiver donc, en serre froide. Hein, ça, c'était limite, mais ça l'est déjà. Première chose, c'est qu'on reçoit maintenant, avec la mondialisation, et à cause, par exemple, de Cocopelli ou de certaines firmes bio, qui vont chercher des graines dans le monde entier, tout ça, et à certaines firmes, nous, en Angleterre aussi, qu'on a, qui a des graines. Donc, on a des graines des pays de l'Est, de Sibérie, de tout, qui ont des temps de culture très courts. Donc, moi, j'ai déjà eu des pastèques, des melons, des concombres, alors qu'avant, c'était très difficile. Donc, vous vous rendez compte, des pastèques par ici, des melons et d'autres, et des aubergines, des poivrons, qui viennent des pays de l'Est, ou bien qui viennent du nord des États-Unis et du Canada. Et donc, et aussi du Japon et de Chine. Ils ont des rangeoirs très forts. Donc, on commence à avoir l'espace du monde entier, et il y a certaines variétés que ça peut aller. Par exemple, dans le catalogue, j'ai essayé de trouver, jusque maintenant, mais ce n'est pas exclusif, hein, mais j'ai mis à côté tomates, aubergines, non, pas les tomates, pas encore, mais aubergines, poivrons, melons, tout ça, CF, ça veut dire mieux adapté au climat frais. Donc je sais que ça a été prouvé, c'est donc par ici, c'est ça qu'il faut choisir. Alors, le deuxième affaire, donc c'est les semences, donc certaines semences qui peuvent, hein, qu'avant on ne pensait pas qu'on pouvait cultiver ça, deuxième semence, c'est pas seulement en serre froide ou en serre chauffée, mais dehors, avec les bouteilles. C'est-à-dire qu'il y a moyen de récupérer des bouteilles, ou bien alors de faire des cloches, n'importe quoi. Hein, les bouteilles, ça fait des cloches formidables. Hein. Hein, donc, on coupe le fond, et donc on peut alors attendre. Donc, semer maintenant, fait, hein, parce que ça a un long temps de culture, il faut semer à l'avance, et puis les mettre après le 15 mai, parce qu'il n'y a plus de gel après le 15 mai, par exemple, mais ça dépend du temps. Hein, comme on va avoir un été chaud toli de tout, peut-être que hein, tropical, hein, bah, bon, c'est pas. Hein. Là, mais écouter ce qu'ils disent. Quand vous sortez la plante, alors, tout seul comme ça, elle n'a pas beaucoup de chance. Mais mettre la cloche, tant qu'il ne fait pas chaud, chaud, bon, voilà, pour la protéger, et alors ça permet d'avoir au début, voilà, melon, quoi, poivron, aubergine, dehors, et mettre une cloche dessus pour la protéger, et puis alors ça marche. Donc on sait avoir maintenant des poivrons, des aubergines, même en plein terre et tout. Et bien sûr, en serre froide aussi. Hein. Et même la serre froide, ça peut servir. Donc on met dans la serre froide, et en plus, sur la serre froide, on met ça. Mais pour la tirer, une fois que ça, c'est parti, bien parti, il faut l'enlever. Mais donc, un petit truc comme ça, et on a ça gratis, hein, je veux dire, récupération. Hein. Mais ils revendent, j'ai vu qu'ils revendent des cloches. Mais c'est le prix de l'eau. Hein. Des cloches en verre, ils refont ça. C'est des prix, mais c'est assez extraordinaire. Et même en plastique. Alors, pour que ça ne s'envole pas, hein, parce que c'est là l'inconvénient, donc on découpe le fond, mais c'est très fragile, il faut faire un fil de fer assez costaud, on fait ça, et on fait le rond, on fait la courbe, et on met à l'intérieur, donc on tire le bouchon, et on met la tige à l'intérieur, avec le crochet qui retient la bouteille dessus, parce que sinon, les bouteilles vont et tout est parti. Hein. Mais ça peut être aussi des tunnels ou autre chose, ou même, quelquefois, un voile de forçage. Donc on vend des voiles de forçage maintenant, qu'on met sur le plante, et ça, c'est à peu près le même effet aussi. Hein. Donc il y a moyen de faire ça. Mais donc, urgent, c'est aubergine, poivron, donc à chaud, entre 20 et 25 degrés. Bien sûr, je ne parle pas des tomates, mais mes premières tomates, ils sortent déjà. Donc les tomates pour la serre, on pouvait déjà, et on peut continuer à faire maintenant, c'est aussi hein, entre 18 et 23 degrés, à peu près, hein, pour lever. Après, c'est 10 degrés de moins hein, qu'il peut y avoir. Mais les tomates pour la pleine terre, c'est la deuxième quinzaine de mars, pas avant. Donc, mais on peut semer les tomates, donc faire germer, pour la serre froide. Alors. Mais pour la pleine terre, pas avant la deuxième, après le 15 mars. Sinon, les plantes elles vont grandir trop fort à l'intérieur, on va être embêté. S'il ne fait pas encore assez bon dehors, ça grandit. Tout ça. Alors, un moyen aussi pour les freiner, par exemple, les solanums, mais surtout les tomates, si jamais il ne fait pas encore assez bon pour les mettre en place, hein, que ça grandit, c'est les tirer à racines nues. Donc c'est les enlever de leur peau, secouer un petit peu, et puis les repiquer de nouveau dans le pot. Donc ça va les freiner pour une semaine ou deux semaines, et ça va les endurcir aussi. Quand ça file, c'est aussi un bon moyen de faire. Quand les plantes n'ont pas eu assez de lumière et tout ça, trop de chaleur par rapport à la lumière, c'est toujours ça. Hein. On peut mettre beaucoup de chaleur à condition qu'il y ait la lumière. S'il n'y a pas assez de lumière, les plantes vont filer. Hein. Donc, si les plantes, on trouve qu'ils filent, qu'il faut, on peut aussi les retirer et les replanter. Donc, ça va les freiner, ça va les rendre plus costauds, ça va les endurcir. On ne peut pas faire ça avec tous les légumes. Hein. Il y a des légumes qui n'aiment pas du tout. Avec les melons, par exemple, les concombres, non, hein, ils n'aiment pas du tout racines nues. Mais les poivrons, les aubergines, les tomates, les solanacées, ça va. Pas les melons, ni les concombres, eux, ou les courges, tout ça. Eux, ils n'aiment pas. Il ne faut pas faire ça avec ça. Hein. Voilà. Alors, bon. Alors, les semis. On va commencer, pour ceux qui n'ont pas commencé, dans l'urgence. Alors, c'est les oignons. Aussi bien les petits oignons à repiquer que les oignons à semer. Hein, donc, les oignons, les échalotes aussi. Il y a des échalotes à planter, mais il y a aussi des échalotes oignons à semer. Donc, on appelle ça les échalotes de Jersey. Donc, c'est pas une vraie échalote et c'est pas un vrai oignon, c'est entre les deux. Ouais, ouais. Mais c'est par semis, ça peut être très intéressant. Donc par semis, là, aussi, et quoi? Et l'ail. Donc, ouais, c'est ça. Donc vous avez 60 cm, donc quand vous plantez, repiquez, tout ça, 60 cm. Alors, vous prenez, vous choisissez des carottes. Les carottes hâtives, hein, voilà, ou courtes, carottes hâtives, et les radis de saison, donc les radis ronds, hâtifs et mi-hâtifs, tout ça. Vous mélangez, s'il y a moyen, tous les carottes ensemble, tous les radis ensemble, et puis vous mélangez tout ensemble. Donc carottes, radis, toutes les variétés de carottes que vous voulez, toutes les variétés de radis, et puis vous venez semer entre ail, oignon et échalote. Donc là, donc ensemble, hein, ça c'est une culture associée formidable. Pleine terre. Hein? Pleine terre, hein? Oui, pas ici, non, maintenant, oui, pleine terre. Alors, donc entre deux, vous avez 60 cm. Alors des 60 cm, vous pouvez au moins occuper, je vais dire, la moitié, 30 cm. Donc, avec radis, oignon, donc vous ouvrez le sol, enfin ouvrir, avec un cap donc, ça veut dire un croc. Hein. Donc vous travaillez la terre juste en surface pour l'ouvrir et tout ça. La dernière minute, vous passez sans remuer, donc ça va faire des avec le cap donc avec le truc, le croc. Donc là, la largeur, le croc, il fait à peu près hein, une trentaine de centimètres. Donc passez comme ça, ça fait des tout petits sillons, des tout petits, hein, 1/2 centimètre, il ne faut pas plus, hein, petits sillons. Puis vous venez à la volée, c'est pour ça que je dis de haut, là, vous laissez tomber, que ça remplit les 30 centimètres, là, donc vous avez des bandes. Alors vous allez avoir, alors, après quand ça c'est fini, vous repassez légèrement une fois au-dessus, ou bien ce qui est mieux, c'est un peu de terre, un peu de terreau, jeter dessus, juste couvrir les graines. Alors, on pourrait les laisser comme ça, hein, mais, alors les oiseaux, ils vont venir, le danger, c'est les oiseaux, ils vont venir, bouffer tout. Donc, juste les mettre dans la terre, juste repasser le truc que c'est un pain de couvert, ou bien alors jeter dessus un truc. Alors, vous allez avoir d'ailleurs les radis, donc les radis qui vont pousser beaucoup plus vite. Alors, les radis se mangent après, ils se tirent, et chaque fois que vous tirez un radis, c'est comme si vous démarriez des carottes. Chaque fois que vous tirez les radis, mon Dieu, puis les carottes alors vont être beaucoup plus espacées, et donc après il y aura les carottes et ça va se faire. Et l'association est très bonne, donc les radis, donc échalotes, oignons, radis, carottes, tout, l'un se protège l'un l'autre. Et donc il n'y a pas de boulot, donc tirez les... Et alors aussi, pour les mauvaises herbes, parce que vous faites ça, les radis vont venir tout de suite, et vous allez voir vos lignes, vous allez voir le bazar, et puis tirez les mauvaises herbes entre deux. Mais généralement ça limite les mauvaises herbes, parce que ça occupe, le radis occupe le terrain, empêche les... Donc, les radis mettent 10 jours à germer, à lever, donc, et pour manger, ça va être plus tôt. Les carottes, il ne faut pas être étonné que ça ne vient pas. Ça dépend du temps, mais ça peut mettre entre 15 jours et un mois pour germer, hein, selon le temps des carottes. Mais c'est logique, hein, les radis viennent d'abord, et puis voilà. Puis vous mangez les radis qu'il y a entre deux, puis les carottes, il y a toute la place, et puis après les... Ouais. Et on sert ça maintenant? Maintenant, plus vite possible. Non, mais, donc en plein terre, plus vite possible maintenant. Oui, plus vite possible. Ouais. Pour les semis de carottes, la nécessité forcément de tasser la terre après Normalement, oui, sauf quand ils sont comme ça, avec les radis. Oui, c'est ça qui est bizarre. Ouais. L'association avec les radis, sinon, si vous semez une rangée de carottes tout seul, mais donc il faut d'abord tous les semis. Généralement, les gens sèment trop profond. L'idéal, c'est ne jamais dépasser, pour tout, hein, pour n'importe quel semis, ne pas dépasser le demi-centimètre. Ne pas dépasser. Mais ce qui est important après, donc, c'est faire en surface, un demi-centimètre, couvrir, et alors tasser. Tasser, par exemple. Parce qu'ils sont à un demi-centimètre, là, quand ils sont à un demi-centimètre, la graine doit absolument être en contact avec la terre. Donc, il faut mettre la terre dessus, ou bien, et puis damer. Alors, j'ai déjà essayé avec deux. De la tourbe avec du terreau, avec tout, avec des cendres de bois, parce que j'avais lu, les gens racontent de tout, il y a des choses bien, il y a des choses, il faut essayer, toujours. Hein. Mais alors, il n'y a rien de tout ça qui me plaît, parce que quand vous mettez sur les lignes de carottes ou sur les lignes d'oignons, tout ça, ou de poireaux, indices, tout ça, mais ça, première affaire, ça sèche beaucoup plus vite que la terre. Et si vous n'avez pas un temps humide, ça ne lève pas bien. Hein, parce que ça chauffe sur vous, ça sèche. Si vous mettez du terreau, de la tourbe. Alors, j'ai abandonné ça et je préfère la terre même du jardin. Donc, couvrir les graines avec la terre même du jardin et tapoter. Alors, mettre une étiquette. Parce que vous ne savez plus ce que vous avez mis. Il faut mettre une étiquette où elle est la ligne. Hein, parce qu'on pense bien qu'au moment où on va semer, on va se rappeler, mais ça, tintin, c'est pas vrai. Hein. Donc, il faut. Bah, ouais. Et aussi pour savoir. Si vous faites les expériences et tout ça, pour retenir la leçon, quoi. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donc il faut repérer, et ce que vous aimez bien, hein, vous aimez bien tel genre de carotte, tel laitue, si vous ne mettez pas une étiquette, au fil des ans, vous allez commencer les mêmes choses que vous n'aimez pas. Tandis que là, vous retenez que hein, les conneries qu'on a fait, on les tient, parce que voilà. Parfois, on dit que ça ne marche pas, mais alors ce sont les oiseaux qui viennent gratter, ah, ouais, toutes les graines à côté. Ben, ouais, les oiseaux grattent moins quand c'est la même terre, hein. Tandis que si vous mettez, ça pour eux c'est un repère, c'est pas hein, c'est comme si il y en a un qui venait photographier, qui dit hey, ici la ligne, il n'y a qu'à souffle. Ouais. Ah, si vous faites ça par exemple avec les petits pois, hein, mettez autre chose que la propre terre, oh, ils vont suivre la ligne, hein, vous n'avez plus les petits pois. Hein. Comment les oiseaux, certains. Hein. Ah, ouais, terrible, hein, les pies, les. Oh, là. Comment on fait pour les oiseaux Alors. L'oiseau, c'est quoi la technique? Parce qu'en fait, il déterre tout le temps les petits germes, en fait. En tout cas, moi, j'ai repéré qu'il y en avait beaucoup qui avaient des abonnements. Et alors, c'est quoi mettre un voile de forçage? Mais si la graine, elle a besoin de frais et pas de chaud. Mettre des bâtons et tendre du fil. Ouais, ouais. Mais finalement, ça, il faut quasiment faire systématiquement au-dessus de ces. Ah, d'excès-semé, il faut le faire. Des branches. D'excès-semé, il faut le faire. Ouais. Mettre des grillages comme il y a là-bas au fond du jardin. Ouais, des grillages. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Acheter des grillages qui peuvent servir pour tout d'ailleurs. Les pour protéger les choux, les fraisiers, les trucs des oiseaux. Donc ça change tout l'année, ça sert des grillages qui. C'est des. Comment on appelle ça des grillages qu'on met en forme de. Et qui tiennent comme ça tout seul, il n'y a pas besoin d'armature, rien du tout. Oh, ça, c'est vraiment pratique hein, pour le protéger. Parce que, aussi, hein, quand vous repiquez les choux, si vous avez des tout plein d'oiseaux, des pigeons, des ramiers, ils viennent vous bouffer le cœur des choux et puis vous n'avez plus de choux. Hein, ils adorent ça. Hein. Donc il faut le temps que c'est parti. Et pour les fraises aussi. Hein, avec des oiseaux, il n'y a pas une fraise. Donc il faut protéger. Donc il faut bien partager. Mais il faut protéger, hein, il ne faut pas exagérer. Hein. Moi, j'ai déjà mis des panneaux avec toutes les langues et ils ne veulent pas comprendre. Hein. Alors, je dis là. Ce qu'on a fait l'année passée, c'est, enfin, ça fait 20 ans qu'il fait ça, il retourne des couvercles au-dessus des tonneaux d'eau et on met chaque fois de l'eau dedans. Et une fois qu'ils ont de l'eau, généralement, ils ne prennent pas les fraises ni les. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Mettre de l'eau à leur disposition. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça dans tous les jardins. Il faut d'abord mettre de l'eau, mais quelquefois. Et pas dans un grand bac, sinon ils ne vont pas aller. Il faut mettre ça dans un couvercle, ouais. Pas trop. Ah ouais, il y a des grands gourmands. Et alors, les tonneaux d'eau, si vous mettez de l'eau, mais il faut mettre de l'eau. Hein. Dans tous les jardins, il doit y avoir de l'eau un peu partout, hein. En étant, mais pas seulement, un peu dans tous les coins. Ouais. De l'eau. Pas oublier de remplir toujours à ras-bord. À ras-bord, l'eau à ras-bord. Sinon, les oiseaux, ils se. Et les insectes, les coccinelles et tout, ils se noient. Donc il faut toujours, à l'évaporation ça parle, mais il faut toujours que l'eau soit jusqu'en haut, hein, pour que les oiseaux et les insectes ne se noient pas dedans. Hein, donc, voilà. Ouais, c'est tout des petits trucs, mais ça aide. On estime que les dégâts occasionnés par les oiseaux diminuent de la moitié quand il y a de l'eau à leur disposition. Parce que souvent ils attaquent les fruits ou certains légumes parce qu'ils ont soif. Donc on estime que c'est beaucoup. Hein, on estime que c'est la moitié moins de dégâts quand il y a de l'eau à leur disposition. Si vous ne savez pas toujours avoir l'eau remplie, vous mettez flotter un petit bout de bois ou un petit peu d'isomo, quelque chose qui flotte. Et ils seront grimpés dessus et repartir après. Alors selon les régions, il y a des régions, vous pouvez mettre de la bière, il y a des régions, du pastis, non ça c'est selon les coutumes locales. Hein, voilà. Avec des glaçons Moi j'ai un ami jardinier, mais on a des moustiques. Un ami jardinier qui mettait comme ça, il avait acheté, il faisait son sentier avec toutes des bouteilles, hein, donc comme ça renversé, c'était beau. Hein, j'ai vu récupérer des bouteilles et tout ça, et alors il était tout beau. Et sa femme me disait, mais c'est drôle quand il va au jardin, quand il revient, on dirait toujours qu'il a bu, il est drôle. Bon, ben, je sais pas. Alors j'étais avec lui, visiter le jardin, stop. Il prenait une bouteille et il avait mis toutes les bouteilles remplies pendant que sa femme n'était pas là. Et ça reste au frais. Ah ouais, c'était une bouteille. Et depuis alors, que Gilbert il raconte ça, il y en a tout plein qui le font. Mais cet homme est mort depuis, donc il dormait dans son jardin, donc tout plein de bouteilles encore avec du vin là-bas. Bon. Un autre truc, là maintenant, qui est urgent, qu'on peut faire tout de suite et en plein été, qui ne craignent pas le froid. Donc avant, ça ne craint pas le froid, les oignons, les échalotes, carottes et tout, radis, tout ça. Ce qui ne craint pas le froid non plus, c'est les fèves et les petits pois. Donc à mettre le plus vite possible. Fèves absolument à redécouvrir, hein. C'est un légume formidable. Hein. Quand il est tout jeune, comme un mange-tout, hein, avant qu'il y ait le grain, après il y a le grain frais dedans, un vrai délice, et après les grains secs. Hein. Mais en tout cas, alors la fève, c'est un engrais vert formidable. Donc c'est comme engrais vert aussi. Hein. Il y a le meilleur engrais vert, c'est l'épinard. Hein, parce que l'épinard, c'est celui qui fait le plus de production dans le sol. Il fait des racines énormes. Ça va à plusieurs mètres, 5-6 mètres. 5-6 mètres. Hein, déjà, c'est pas qu'on ne soit pas très bien compte des racines. Par exemple, une laitue, les racines dans un terrain bio, les racines vont jusqu'à 3 mètres de profondeur. Un blé va jusqu'à 6 mètres de profondeur. Donc un épinard, 4-5 mètres dessus. Donc les racines. Et une grosse racine. Et pourquoi c'est facile? Parce que la racine, elle ne reste pas dure. Quand elle a fait son temps, elle devient molle, elle devient. Donc il n'y a rien à faire. Et ça fait des feuilles, 3-4 fois comme engrais vert. On peut les manger, mais on peut couper, laisser comme engrais vert, tout ça. Et après, c'est les fèves. Les fèves colonisent les terrains les plus pauvres, les plus pollués, les plus... Donc, alors, si c'est un terrain... pour les épinards, c'est valable aussi. Hein, si c'est un terrain qui est pollué, qui a eu beaucoup d'engrais chimiques ou des autres polluants, et quand on met... Donc, il faut mettre beaucoup d'épinards, beaucoup de fèves, mais alors, il ne faut pas les manger. C'est pour recycler. Donc, on fait un nom comme ça... Donc, les fèves et tout vont recycler, les épinards vont recycler. Donc, pour manger les épinards ou manger les fèves, il faut être sûr que le terrain est assaini. La même chose pour les orties. Hein. Les orties aussi ont la propriété de pomper tout ce qu'il y a dans le sol. Mais si le sol est pollué, ils pompent tout ce qui est pollué. Hein, donc, c'est pour ça. Donc, il faut être sûr que... Hein, après quelques années, ça y est, hein, ils recyclent. Hein, il faut en mettre, ils recyclent et pas manger. Donc, les fèves. Alors... On met une rangée de fèves, alors il faut choisir la fève selon le matériel dont on dispose. Si on veut le maximum de fèves belles, il faut planter, genre à Guadulce, qui font 1,50 m, il faut regarder la hauteur dans le catalogue, il est marqué. Parce qu'il y a des fèves naines, je dis bien, 30 cm, il y en a 60 cm, il y en a 1,20 m, 1,50 m. Donc, c'est 1,50 m, le maximum de production, c'est comme les petits pois aussi, hein, par rapport aux rames, aux nains. Donc, mais il faut être équipé parce que jusqu'à 60 cm, ça va. Avec un butage, les fèves ils tiennent tout seuls. À partir de 80 cm, 1 mètre, 1,50 m, quand il fait du grand vent, les fèves ils vont s'envoler, ça ne va pas. Donc il faut un. Mais c'est pas mauvais, il faut un support. Je veux dire. Mais bon, on peut faire un support avec des vieux branchages, ou bien du grillage comme on fait les clôtures, ou bien un piqué de chaque côté de la ligne, par exemple, et des ficelles pour que ça tienne. Enfin, voilà, il y a tout plein. Mais on a intérêt à faire parce que c'est beau. Alors, fèves, là, c'est une exception. Les fèves, une exception par rapport aux autres semences. Les fèves doivent être enterrées, c'est minimum 3 cm, mais c'est mieux 5 cm. Donc, elles étaient bien, bien en profondeur pour que. C'est bien parce que, voilà. Donc, les fèves apportent plus au terrain que ceux qui prélèvent. Hein. Comme engrais, hein. Donc ça fait, c'est un engrais naturel par les racines, partout, par son feuillage, partout. Donc, et il pousse dans tous les terrains, hein. Les plus pauvres même, et tout ça. Alors, donc, ça, et puis alors, on peut donc ranger de fèves, et à 30 cm de chaque côté, on peut mettre des petits pois. Des petits pois à rame. Et les petits pois, ils vont grimper, ils vont servir d'effet pour grimper sur le truc. Donc, hein, donc parce qu'il faut aussi, sinon il faut mettre des petits, hein. Mais on a intérêt, si on veut des pois à rame, à mettre donc de chaque côté des fèves, et les fèves serviront de tuteur. Et après, vous avez, c'est pas maintenant, mais au mois d'avril, vous semez en pot les courges ou bien les concombres, donc à chaud à l'intérieur, ils ont besoin, hein, à 20 degrés aussi, hein, à l'intérieur pour faire germer les concombres, les courges, mais pas avant, hein, autour de mi-avril, hein, au début d'avril, ça dépend du temps, faire lever à l'intérieur en pot et tout ça, et puis au mois, après la mi-mai, hein, ou fin mai, vous allez repiquer, donc en pot, dépoter, et mettre au pied des petits pois, donc à l'extérieur, hein, juste à côté de la ligne des petits pois, vous allez repiquer vos concombres ou vos courges, par exemple, tous les mètres, et les courges et les concombres vont monter sur les petits pois et sur les fèves, et donc, vous avez gagné un gain de place et bon aussi. Donc, si vous avez un treillis comme ça, 1,50 m, hein, vous avez un truc d'1,50 m, donc la couche va faire 50 cm montée, puis monter jusqu'à 1,50 m, retomber de l'autre côté. Vous avez là 3 mètres, donc vous gagnez un terrain fou. Et puis, c'est vous, les concombres, les couches, ils pendent de là, ils ne touchent pas la terre, c'est impeccable. Donc, vous avez gagné un temps fou. Et les concombres et les couches vont profiter parce que les fèves ont donné de l'engrais au sol, les petits pois aussi ont donné de l'engrais au sol, il ne leur faut pas, hein, un engrais extérieur, ils donnent de l'engrais au sol, hein, c'est des plantes qui fabriquent de l'azote pour le sol, donc les plantes qui suivent, ils profitent de ça, et donc sur un petit espace, vous avez là, hein, donc, vous savez avoir des couches de 10 kilos qui pendent là sur un truc comme ça, hein, et donc et les concombres et tout, donc voilà, ça c'est une... Celui qui n'a pas compris, il doit demander, hein, il n'y a aucune honte à pas, mais... Mais voilà, c'est avec un petit jardin, faire un grand jardin très productif, avec des trucs associés comme ça. Disons que la couche pousse après les petits pois. Hein. Oui, voilà. Donc avant, vous récoltez les petits pois, puis vous récoltez les fèves, donc ça mangeait, ça n'empêche pas, donc là, et puis après, vous avez les... Et même, là, l'un dans l'autre, ouais, ça ne gêne pas l'un l'autre. Courge, concombre, cornichon. Oui, cornichon, par exemple, pour les cornichons, c'est formidable. Oui, oui, oui, voilà. Et les conditions, ils pondent, sont pas sales, vous allez cueillir tous les jours. Il n'y a même pas besoin de les laver, ni rien. Alors, ils... Ah, oui, oui, voilà. Vous voyez, tout ce qui est grimpant, hein, tout ce qui est plante grimpante. Hein, voilà. Pas les haricots grimpants, parce que c'est pas assez haut. Hein. Donc, pour les haricots grimpants, ça, il faut au minimum 3 mètres. Hein, donc, toutes les courgettes et tous les concombres peuvent. Non, pas les courgettes. Alors ce qu'on appelle courgettes, ce sont des courges qui ne coulent pas. Oui. Courgettes, ça fait buisson. Oui. Ah non, là, non, ça ne sert à rien. C'est, non, non, ça ne va pas grimper. Hein. Donc, c'est tous les. Tout ce qui grimpe, hein, tout, c'est tous les courges, les genres potimarron, les genres, hein, tout ce qui, hein, potiron, tout ça, tout ce qui coule. Hein. Donc ça va grimper, ça va faire, voilà. Là, il faut un gros support. Hein? Il faut un support solide. Ouais, mais déjà avec les fèves et les petits pois qui tiennent, ça va déjà faire ça. Ouais, mais faut surtout pas oublier de faire un, donc vous faites, par exemple, si vous faites un grillage, un truc, faut pas oublier de mettre les, je sais pas comment on appelle ça. Faire un triangle. Faire un triangle. Hein. Hein, de chaque côté, le triangle fait que ça ne bouge pas. Hein. Faut faire donc le. Là. Hein? Ouais, ouais, ouais. Une haie de Troène ou quelque chose comme ça, ça marche bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Si vous avez une haie, faites au pied. J'ai fait l'expérience de planter des fèves. C'est où? De planter des fèves. Donc, je me suis aperçu à un moment donné qu'elles avaient des petites bêtes noires au-dessus. Ah, des poussons noirs, oui. Beaucoup, beaucoup. Bah, tant mieux, tant mieux. Oui, oui, ouais, parce que. Ça va attirer les coccinelles. C'est la nourriture principale des coccinelles. Donc, on s'est fait l'élevage comme ça. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles il faut mettre des fèves. Même si on n'aime pas les fèves, je veux dire, mais ça, le goût, il faut. Ça s'apprend, mais les fèves, ça vaut la peine. Parce que les fèves, à coup sûr, ont 90% de chance d'avoir des pucerons noirs. Donc des pucerons noirs des fèves. Et les coccinelles, quand elles sortent, quand elles voient qu'il y a des pucerons noirs, alors elles viennent, elles bouffent les pucerons noirs et elles se reproduisent. Parce qu'il y a de la nourriture disponible. Donc c'est comme ça, un élevage naturel de coccinelles. Les coccinelles, les mésanges aussi. Les mésanges. Ah, oui, beaucoup. Alors. Mais on vend des coccinelles aussi, hein, et des larves de coccinelles. C'est 1 € pour 4 larves de coccinelles. Hein, je pensais comme ça. Ouais. Mais si vous achetez des larves de coccinelles, il faut exiger d'avoir le certificat garanti qu'ils vont rester dans votre jardin. Hein. Parce que c'est ouais, les coccinelles n'ont aucun sens de la propriété privée. Hein. C'est bizarre. Hein. Alors, vous achetez ça très cher et puis ils voient une belle fève dans le jardin du voisin et ils sont partis. Hein. Mais non, mais c'est ridicule. Il faut mettre des fèves et voilà, et vous faites des vagues naturelles. Alors, pas enlever parce qu'il y a toujours un retard entre l'apparition des pucerons et puis les autres. Mais ils vont faire le ménage, ils vont faire le nettoyage. Donc, si j'ai bien compris, dans votre rangée de petits pois, tous les mètres, vous mettez des potimarrons. Oui, à côté des petits pois. À côté. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc, vous avez là, les fèves, au milieu, la ligne, puis les petits pois, ils viennent de chaque côté. Là, hein, donc, hein, là, les petits pois, 3 cm, ça va, de profondeur. Là, et puis à côté, là, à l'extérieur, à côté, vous mettez les couches, les concombres, les cornichons, puis ils vont grimper là, avec des vrilles, ils vont grimper, voilà. Ouais, ouais. Et puis de fait, on met là, comme ça, alors, à l'extérieur. Fil de fer. Non. Faites une ligne comme ça pour les fèves, hein, avec un grillage. Vous mettez votre grillage et puis vous. Un grillage ou bien des fils de fer ou un bâton de chaque côté avec des fils, avec des cordes. Les deux piquets. Et là, les piquets, ils l'ont fait là comme ça. Donc, triangle. Là, comme ça. On peut, pour l'empêcher. Voilà. Parce que, aussi, avec le poids du truc, s'il y a le vent, ça part aussi. Hein. Donc, toujours. Mais quand vous faites. Comment pour les. Après, pour les haricots aussi, hein, quand on fait des lignes, il faut mettre des brancards. On a besoin de brancards, des trucs là. Ouais. Des triangles. Le triangle fait que ça ne bouge plus. Hein, en fait, voilà. Entre la ligne de petits pois et les couges, on compte combien de centimètres à peu près? Ah, les couges, à tout près. Hein, ouais, tout près. Ouais. De toute façon, les petits pois vont être dépéris avant que les couges commencent à pousser. Ouais. Hein. Alors. Les semis, alors. Les poireaux hâtifs, ça c'est urgent. Donc les poireaux hâtifs, hein, ça c'est urgent. Hein. Soit en plein terre, soit en godet, hein, ça c'est urgent. Les poireaux, toute saison est tardif, donc pour l'hiver, là c'est pas encore maintenant. Hein. Donc c'est fin mars, début avril. Donc les poireaux, hein, pour l'hiver. Hein. Donc fin mars, début avril. Mais les poireaux qu'on veut manger à la fin de l'été, en automne, Là, c'est urgent, c'est maintenant. Donc, les poireaux hâtifs, c'est le plus vite possible. Voilà. Les choux hâtifs aussi. Celui qui aime bien mettre les choux, aussi bien dans les rouges, les verts, les blancs, hein, il faut regarder dans le catalogue. Hein, les, machin. Donc, c'est là le plus tôt possible. Hein. Tandis que les autres, les choux pour le fin de l'automne et pour l'hiver, là, c'est aussi pas avant fin mars, jusqu'au 15 avril. Disons première quinzaine d'avril. Fin mars, première quinzaine d'avril. Hein, donc, à ce moment-là. Mais pas plus tard non plus. Hein. Parce que si on met les poireaux ou les choux plus tard, les choux d'hiver, par exemple, pour la choucroute et tout ça, ont besoin de 6 mois de culture. Hein. Donc si on les met trop tard, on n'arrive pas. Les poireaux, c'est la même chose. Hein. Il y a des gens qui mettent des poireaux trop tard et puis qui les repiquent après les pommes de terre et tout. C'est impossible d'avoir des gros poireaux. Hein. Les poireaux hâtifs mettent 4 mois et demi. Hein, 4 mois et demi. Les poireaux tardifs d'hiver mettent minimum 5 mois, hein, et quelquefois 6 mois. Donc pour avoir des beaux gros poireaux, il faut... Alors, pour les poireaux, je vais redire aussi, parce que je vois qu'il y a en profité qu'il y a beaucoup de monde, il y a sûrement qui n'ont jamais entendu, on n'est pas obligé, surtout pour les petits jardins ou les jardins moyens, on n'est pas obligé de tirer les poireaux. Les poireaux se comportent comme des vivaces. Ça veut dire que chaque fois que vous avez un poireau qui fait 30 cm, vous coupez à 1 cm du sol, un mois après, vous avez de nouveau un poireau de 30 cm. Ça repousse de 1 à 2 cm par jour. Donc, et vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas le verre, vous n'avez plus rien, donc vous attendez là. Alors, pas enterrer non plus les poireaux. Donc, vous, avec ce système, il faut repiquer les poireaux comme une laitue, comme une absinthe, donc à fleur du sol, je dis pas les enterrer, mais les buter. Si vous avez envie des poireaux légumes, hein, légumes, je veux dire, du blanc. Hein, si c'est pour la soupe, ou pour l'eau, il faut mieux le verre, hein. C'est beaucoup plus riche. Au plus c'est blanc, au moins c'est riche. Hein, ouais, donc, chacun son goût, il fait. Donc, si vous voulez, donc vous butez, ou bien, il y a encore un autre truc, c'est les tuyaux de descente d'eau, les tuyaux en plastique, de différents diamètres, là. Donc, vous mettez, au lieu de buter, vous mettez un tuyau dessus. Donc, dedans, ils vont blanchir à l'intérieur, hein, donc il n'y a pas besoin. Si vous n'avez pas ça, ben vous butez pour blanchir pendant une semaine et tout ça. Puis alors, vous débutez, vous coupez à 1 cm, et puis bouf, ça va repartir. Donc vous faites ça pendant un an, un poireau comme ça peut rester. Donc au lieu de tirer toujours, donc avec un même poireau, ils vont vous donner 3, 4, 5 poireaux avant de monter en graine. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. À combien du sol? À 1 cm. À 1 cm, vous coupez et vous... Voilà. Couper, ça repousse sans arrêt. Donc vous avez de la verdure sans arrêt. Voilà. Non. On peut faire ça avec n'importe quel poireau, les poireaux ordinaires. Mais alors, il y a des poireaux perpétuels, eux qui ne montent pas, qui ne font pas des graines. Hein, vous avez que la verdure, ça reste plus petit. Ils montent en graines l'année suivante. S'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu dense, hein, c'est le moment. Non, sinon, on continue. Comme vous voulez, vous pouvez laisser, disons que l'hiver va moins pousser. Ça va, non ? Je voulais demander pour les cours. Je dirais. Pardon ? Donc, je commence par les mettre dans une serre chaude. Les courges, ils doivent lever à 20 degrés. Hein. Ouais, entre 20 et 25. Hein. Donc, pour lever, il n'y a pas besoin de lumière, ça fait rien. Donc, à l'intérieur de la maison, dans des godets, dans des... Mais c'est beaucoup trop tôt, hein, maintenant. Ah oui, pas maintenant, hein. À mi-avril, pas avant, hein. Ah oui, les courges, les potirons, les potimarrons, pas avant mi-avril. Les concombres peuvent... Si c'est les concombres pour mettre dans une serre froide, par exemple, à la fin du mois de mars. Oui, les concombres. Mais, et pour mettre dehors, non. Pour mettre dehors, c'est aussi au 15 avril. Hein. Ah, donc, les melons aussi, hein. Les melons, les pastèques, c'est autour de... À la mi-avril. Si c'est pour mettre... Dans une serre froide, je veux dire alors à la fin de mars, début avril, on pourrait faire. Et les poireaux, vous les mettez à quelle distance? Dans le jardin? Oui. Repiquer? Oh, quinzaine de centimètres. Hein. Ouais. Ou moins 10, 10, ouais, 10, 12, 10, hein, 10, 12, 15 centimètres. Hein, ouais. 12, 15 centimètres, un poireau. Ouais. Ah, il y a des poireaux qui arrivent au kilo, hein, aussi, hein, facilement, hein, certaines variétés. Hein. Bon, alors, les laitues, il n'y a pas, ouais, ça va, tout va bien. Ouais. Alors, les laitues, donc c'est, les laitues craignent la chaleur. Donc, Comment? Au-dessus de... Ça lève bien entre 10 et 15 degrés. 10 et 15 degrés. Au-dessus de 15 degrés, ils ont déjà des difficultés à germer. Au-dessus de 20 degrés, la laitue ne germe plus. Donc il faut bien savoir. Les gens pensent que c'est une laitue de... Il y a des gens qui achètent des serres pour avoir des laitues toute l'année. Mais la serre, ça ne va pas. La laitue au-dessus de 20 degrés, ça ne va pas. Donc c'est, la laitue, c'est un légume de froid. Hein, donc, dehors, hein, donc, c'est ça qu'il faut bien tenir. Donc, l'idéal, c'est entre 10 et 15 degrés. Au-dessus de 15 degrés, c'est déjà plus si bien. Donc c'est autour de 15 degrés pour la lever, pour la pousse aussi. C'est, la pousse, alors, peut, je veux dire, entre 15 et 20 degrés. Pas au-dessus de 20 degrés non plus. Hein, ça ralentit tout de suite. Hein. Mais la germination au-dessus de 20 degrés de laitue, elle ne se fait pas. Elle, voilà. Donc, mais la laitue, elle n'a pas peur du froid, elle n'a pas peur du gel, elle n'a pas peur. Comme tout ce que je viens de citer, là. Même si gèle encore, ça, c'est des légumes qui n'ont qui ont pas peur. Elle a peur de la limace. Ah, ça, c'est autre chose. Hein, ouais. Alors, les laitues les plus hâtives, celles qu'on a le plus vite et les plus costauds, c'est dans les laitues à couper qu'on les trouve. Donc, c'est dans les laitues à couper, mais surtout pas les couper. Donc, tous les légumes qui est marqué à couper, il ne faut surtout pas les couper. Ah ouais, ouais, ouais, c'est ça. Alors, il faut prélever les grandes feuilles du tour, enfin du tour et même les autres plus loin, mais laisser le cœur. C'est valable pour la mâche, c'est valable pour les laitues, pour le... Bon, je sais plus quoi. Enfin, tout ce qui est marqué légumes à couper, pas couper. Donc, prélever. Comme ça, la plante n'a pas le stress, ou très peu, un très faible stress. Parce que si on provoque le stress à la plante, quand on coupe, la plante fait tout pour monter en graines, pour survivre. Ce qui est logique. Donc, si vous ne faites pas ça, vous limitez le stress, et donc vous avez beaucoup de coupes, avant que la plante ne monte en graines. Donc, il vaut mieux prendre le temps. Et par exemple, alors pour les laitues qu'on met maintenant, c'est très difficile d'avoir des laitues l'été, quand il fait chaud. C'est pour ça que c'est très difficile. Il faut choisir un coin humide, et à mi-ombre et tout ça, mais même comme ça, c'est difficile. Alors, ce qu'il faut faire, c'est semer des laitues avant, donc pour avoir des grosses laitues et des laitues à couper, mais aussi avec les laitues paumées. Pas couper les laitues paumées si vous voulez avoir des laitues pendant l'été. Donc vous allez alors sur place, vous décortiquez la laitue paumée, donc la laitue qui fait des pommes, vous décortiquez tout, comme si c'était coupé, que vous êtes dans la cuisine et que vous devez tout ouvrir, vous devez quand même le faire. Eh bien vous la faites sur place, vous laissez le cœur, et un mois après, vous avez de nouveau une grosse laitue paumée. Donc, faites l'expérience, c'est curieux. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein, donc, ouais, on est pressé, on fait, on ne sait pas, on coupe. La même chose avec les choux. Mais alors, là, les choux pouvaient prélever la tête. Hein, la tête. Mais pas enlever le chou. Après, il va pousser sur la tige que vous avez laissée, vous coupez, il va venir 3-4 petits choux, des choux moyens ou des petits choux, qui vont repousser et qui sont très bons. Donc, c'est tout comme ça. Il faut faire pour un bon jardinier. Bio, c'est un jardinier paresseux hein, qui ne fait pas du travail en plus. Il faut garder du temps, justement, pour beaucoup plus de temps, pour regarder, pour admirer, pour faire. Moi, pour m'occuper de ma femme, beaucoup plus de temps, plutôt que m'occuper à bêcher et à faire des trucs comme ça. Mais bon, c'est lui qui a des difficultés, je veux dire, avec lui-même, qui a fait beaucoup de conneries et beaucoup de péchés. Là, il peut toujours faire du boulot qui va... avant, on disait, un bon jardinier, avant, c'est quelqu'un qui ne doit jamais arroser son jardin. Sa sueur doit suffire. C'est dans la Bible qu'est marqué tout des trucs comme ça. Bon, celui qui veut expier ses péchés peut toujours aller chercher une bêche et tout. Et même avec un peu de chance, un bêché, il va tomber mort sur sa bêche. Hein. Il y a beaucoup de jardiniers qui maintenant, là, c'est le temps des jardiniers qui tombent mort sur leur bêche. Hein. Ils n'ont rien fait tout l'hiver, pas de physique, tout ça, tout d'un coup, il fait bon, oh, sorti la bêche, et puis la journée, tout la bêchée, hein, toute la journée bêchée, et puis bouffe, hein, tombe sur la bêche. Hein. Et c'est pas de la blague, hein, c'est énormément de jardiniers. Vous allez dire, c'est une bonne affaire, on perd tous les jardiniers chimiques, mais enfin, ça va laisser de la terre pour les autres bio, hein, mais enfin, ouais. Non, c'est méchant quand même. Hein. Et on nous disait pour les choux de Bruxelles, quand on coupe la tête à la fin, ça fait grossir les pommes. Ouais, non, pas touché, ouais. Ouais. Si on tire la tête, ça fait grossir les pommes. Mais ça rend les choux de Bruxelles sensibles et fragiles au froid. D'accord. Ah oui, ah ouais, c'est ça. Ils vont geler. Ouais, ils vont geler. Pas couper la tête. Pas toucher à la tête. Après, c'est vrai que quand on coupe la tête, ça fait grossir les pommes, mais on perd la rusticité. La rustique. Alors, rusticité, rustique en jardinage bio, en jardinage. Ça veut dire résistant au froid. Ah, c'est pas comme un meuble rustique. Hein, quand, donc rustique, quand on dit légumes rustiques, rusticité, c'est résistance au froid. On a dit non, c'est ça que ça veut dire. Peut-être expliquer pour les salades là qu'on décortique en été. Pourquoi et même toute l'année. Hein, et même toute l'année, mais surtout en été, pourquoi est-ce que c'est fort intéressant ? Parce que les racines sont 2-3 mètres de profond, donc elles vont toujours savoir s'alimenter en eau. Et pendant la période de sécheresse, sinon c'est très difficile d'avoir des laitues, parce qu'elles montent tout de suite, parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Et donc il faut laisser le cœur de la laitue. Oui. Laisser le cœur, oui, c'est ça. Pour tous les autres légumes aussi. Du moment qu'on laisse le cœur, il n'y a pas ce stress, et le légume se reconstitue. Ouais, ouais. Ça montre une autre façon de travailler, quoi, une autre façon de. Batavia, tout, pareil. Hein? Batavia, tout. Ouais, ouais, ouais, tous les laitues paumées, ouais, ouais. Bah, et les laitues à couper aussi, bien sûr. Hein. Laissez le cœur et puis ça va. Tout l'année, ça va aller. Pardon, excusez-moi. Vous dites que pour les poireaux, on peut couper, remettre dedans le verre à 2-3 cm, ça repousse. Non, non, pas, pas le tirer. Hein. On mange. Laissez sur place, hein. Il n'a pas compris. On passe la tondeuse. Ah non, non, non. Ah, mais il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de question idiote, il faut qu'on comprenne bien. Ouais. Monsieur, est-ce que vous voulez bien Salade, les tuyaux, depuis les semences, jusqu'à ce qu'on décortique. Ouais. Parce que moi, je n'ai jamais arrivé à la voir, ça a toujours monté en graines. Donc. Ça, c'est peut-être que. Soit un manque d'eau, soit une terre pas assez fertile. Ça aussi, hein. Ouais, la laitue, elle n'a pas besoin de nouvel engrais, elle se contente. Mais il faut une terre riche. Sinon. Oui, la laitue a besoin d'une terre riche, anciennement riche. Mais anciennement, ça veut dire que hein, elle n'a pas besoin de. L'année même, elle n'a pas besoin d'engrais, de fumier, ni rien, mais bien une terre riche de l'année d'avant, en tout cas. Sinon, ouais, terre pauvre et, ouais, et sécheresse, ouais, là, ça monte. Hein, ouais. C'est pas si facile que ça, hein, d'avoir des belles laitues. C'est pour ça que c'est dans les laitues à couper, c'est les plus costauds, les plus rustiques, et là, ça va. Et c'est là-dedans qu'on trouve le plus de couleurs différentes et le plus de goûts différents aussi. Hein. Mais les goûts et les couleurs, ça tient autant, mais du tout à son avantage. Mais mettez des laitues. La laitue à couper, par exemple, la laitue à couper d'Australie, au niveau du goût, elle est formidable, elle est résistante quasiment. Un semis au début de l'année, vous avez ça toute l'année, ça résiste au froid, au chaud, au tout. Voilà. Et mettez aussi vos laitues ou ce qui n'attrapera pas le soleil du midi. Oui, oui, oui. Ouais, à mi-ombre, c'est mieux. Oui, oui. Ben maintenant, ouais, après, ouais, en été. Mais maintenant, ils ne craignent pas le soleil, hein, maintenant, au début de l'année. Mais après, bien. Hein, ouais, après, quand ils elle n'a pas écouté, elle est occupée de parler. Bon, alors, j'en suis où? Ah oui, alors, on peut commencer à... Pardon. On a préparé des semis de salade de légumes. Et Alors, on les a mis dans une jardinière, on les a laissés à l'intérieur de la maison. Oui. Ah non, il faut sortir. Hein. Ah oui, sitôt que ça lève. Hein. Ah ouais, ouais, mais tant que ça... ouais, ouais, là, ça fait rien. Ouais. Ah ben, sauf si à l'intérieur, il fait plus que 20 degrés. Hein. Si vous en mettez une pièce trop chaude, ça ne va pas aller. Hein. Donc le mieux de tout, c'est quand il fait beau, là, comme maintenant, ils annoncent du beau temps, au moins pendant une semaine, là, comme ça, sortez-les, mettez dehors, c'est beaucoup mieux. Hein. Il va être mieux qu'à l'intérieur. Ah ouais, ouais, ouais, dehors, hein, ouais, ouais. Alors... Oui. Est-ce que c'est une bonne association de mettre des laitues dans les oignons? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oh, les laitues, ils peuvent aller partout. C'est une bonne association. Ouais, on peut le piquer ça partout où il y a de la place entre deux. Ouais, ouais, ouais. Et à mi-ombre d'un autre légume, par exemple, un autre légume, on met. Ouais, ouais. Oh, ça pousse un peu partout. Ouais, ouais. Alors, les poirées. Oui. Un peu plus fort. Hein. Sur ma parcelle, j'ai une ligne de poireaux d'hiver. Ils ne sont pas très gros, ils ne sont pas tellement bien poussés. Et je ne sais pas si, ces poireaux-là, je peux les, entre guillemets, les récupérer en les coupant et les laisser pousser. Mais ça va être difficile de les empêcher de monter en graines. Mais peut-être qu'ils vont faire une ou deux avant qu'ils montent. Ouais. Mais ça, je ne suis pas sûr. Ouais. Okay, quoi. Ouais. Mais il faut essayer, vous risquez rien d'essayer. Ouais, ouais, ouais. en laisser un ou deux beaux, plus gros pour monter en graines. Vous risquez rien, vous coupez, vous récupérez tout. Vous risquez rien d'essayer. Bon, alors, quoi encore? Les poirées, les bêtes. Donc, urgent, les bêtes à couper. Ça, c'est un légume formidable à redécouvrir. Donc, c'est les bêtes, les blettes, les poirées. Donc, c'est le même légume. Hein, c'est le même. Donc, c'est ceux à couper donc, qu'on peut avoir tout l'année, même l'hiver, tout le temps. Donc, c'est vraiment un légume très intéressant. Hein, c'est, hein, voilà. Donc, les bêtes, les légumes à couper, les poires à couper. Mais les autres, alors, il y en a qui deviennent énormes. Hein, les poirées, les bêtes à cardes. Hein, il y en a qui peuvent faire un mètre avec des gros. Comment on mange les bâtons, pas les feuilles. Il y a des feuilles sont comestibles aussi, mais il y en a qui ne sont pas bonnes. Il y en a qui ont un goût de betterave prononcé comme ça, qui n'est pas toujours agréable dans les poirées. Donc, ce qu'on appelle les poirées à côtes, les grandes côtes, c'est surtout pour les côtes, pour les bêtes, à la façon de céleri blanc. Mais les feuilles peuvent entrer aussi dans les potages pour faire autre chose. Mais à l'avance, il faut regarder, parce qu'il y en a qui sont... trop le chou, un goût prononcé. Enfin, tous les goûts, ça peut aller aussi. Donc ça, c'est à partir de maintenant, même dehors, même en plein terre, ou bien ça se repique, même en pépinière ou en pot. Hein, donc, même dehors. La même chose pour les betteraves rouges, les betteraves potagères. Dans les betteraves potagères, il y a de plus en plus de couleurs. C'est pas là. Tous les ans, là, il y a des blancs, des roses, des jaunes. Des rouges et blancs, il y a un peu de toutes les couleurs maintenant, et il y en a vraiment des très bonnes. Donc, betteraves potagères aussi dehors maintenant, donc en pleine terre, mais aussi, ça se repique aussi. On n'a pas l'habitude, mais on peut mettre en pépinière, et puis aller repiquer aussi. Les betteraves rouges, un potager se repique aussi assez facilement. Moi, j'aime bien le principe de mettre en pot tout, de faire, parce que tant qu'il ne fait pas vraiment bon, j'aime bien laisser ma terre tranquille. On ne pas dans des mauvaises conditions, pendant ce temps-là, ça pousse, et puis on va repiquer, après, je trouve que c'est... Moi, j'aime mieux. Mais il y a des gens qui donnent, ça donne des bons résultats, c'est selon les terrains, selon... ça dépend de quoi, hein. Si on a un grand jardin, un petit jardin, les semis en place donnent aussi des résultats formidables. Ça dépend, chacun peut choisir sa façon, sa méthode de travail. Mais le semis en godet, en bac, comment est mieux quand le temps est mauvais. Donc, les temps mauvais, les terres sont mauvaises, on ne peut pas les travailler, plutôt que d'attendre, parce qu'alors si on attend, après il faut tout faire en même temps, c'est impossible, et donc alors on prépare, on sème, on fait, et puis alors on ne perd pas de temps, quand le moment est là, puis on va repiquer, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est chacun qui doit, selon son organisation, selon ce qu'il veut, qu'il fait. Et au long de l'année, c'est mieux aussi, parce que quand vous avez une place, vous pouvez recouper. C'est ça. On ne perd pas. Et sur la même place, on peut faire beaucoup d'associations et de tout. Allez, et on ne peut pas pousser. Les betteraves, on va les piquer à combien? Ah, une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres, oui. Les blettes, 40? Oh, 40, ça me paraît beaucoup. Il y en a qui peuvent être grands, mais pas à couper. À couper, ça peut être plus près. Mais les autres, je dirais à 30. Mais 40, si ça se plaît bien quelque part, ça vient beau, grand. Alors, les semis de céleri rave, là, c'est maintenant. Donc, ce n'est pas nécessairement à chaud. Mais si vous le faites à chaud, c'est mieux, ça va lever plus vite. Mais sitôt que ça pointe, sitôt que vous voyez le germe, tout de suite, maximum de lumière. Soit dans votre véranda, soit dans une serre froide, tout ça. Et même dehors, comme s'il fait bon dehors. Parce que ça file vite. Hein. Donc, voilà. Mais ça, c'est maintenant. Parce que c'est un long temps pour avoir des beaux céleri là. Il faut être déjà un très, très bon jardinier et avoir un jardin avec une terre très riche et très vivante. Hein. C'est pas facile d'avoir des beaux céleri là. Hein. Il y en a, comme vous voyez dans le commerce, là, ils vendent des céleri là, énormes comme ça. Hein. Autant boire de l'engrais à la bouteille comme ça. Hein. C'est juste un bateau. Donc ils arrosent, pour avoir des gros céleriables comme ça, ils arrosent tous les semaines à l'engrais liquide. Tous les semaines. Hein. Parce que sinon, c'est que céleriables demandent une terre très riche ou bien de l'engrais. Alors, celui qui, pour avoir, donc si vous faites la culture ordinaire sans machin, je vais dire, si vous avez comme des céleriables comme des pamplemousses, c'est déjà, un beau succès. Si vous voulez, alors... Parce que dans mon jardin, j'ai plus petit que ça. J'ai comme une orange, j'arrive pas. Ah ben alors, il faut alors purin d'ortie, de consoude, hein, donc un purin alors végétal, hein, et aller arroser, tous les semaines, aller arroser au pied des céréales pour donner comme ça. Et alors, même si vous avez des pigeons, des poules, un caca pigeon de poule, faire donc, un litre de poule ou pigeon dans 10 litres d'eau, minimum 10 litres d'eau, hein, même plus, faire un machin, et aller arroser de temps en temps avec ça, mais pas abuser non plus, sinon vous aurez les mêmes résultats avec l'engrais chimique. Hein, donc il faut... Voilà. Il y en a qui disent qu'il faut les repiquer souvent les céréales pour qu'ils... Non, c'est pas ça qu'il va faire. Mais il faut au moins les repiquer une fois. Hein. On sème dans un terrine comme ça. Après, il faut les repiquer dans un godet individuel. Mais non, une fois repiquer, ça va. À la bière. Couper la racine principale aussi pour qu'elle fasse son rame. Quand vous repiquez, il faut pincer la racine, le pivot principal, pour avoir une belle racine. Ouais. Alors, les céleris à côte, les céleris à couper, ça c'est maintenant rapide. Hein. Céleris à couper, ça vaut la peine aussi. Hein. Vous avez ça toute l'année, ça recèle tout seul. Ça c'est très intéressant, ça ne craint pas ni le chaud ni le froid. Donc, tous les céleris à couper. Hein. Mais les céleris à côte, ça c'est les plus fragiles, les plus sensibles de toute la famille. Je dis ça après le 15 mars ici. Donc on peut commencer. Mais à chaud aussi. Hein. Enfin, en tout cas, pas à froid. Hein, donc une véranda ou une serre froide où il fait bon, où il fait chaud, ça peut aller. Hein. Donc c'est plus facile. Mais je vais aller vite parce que l'heure, c'est fini. Alors, épinard à oseille, et oseille. Surtout alors, recommander l'épinard patience, l'épinard perpétuel, qu'on appelle. Hein. Ça, c'est... L'épinard perpétuel peut durer plusieurs années, et ça vient des épinards en forme de lance, comme ça, et tout ça. Ça, c'est vraiment très intéressant pour avoir des légumes verts toute l'année, même l'hiver et tout. Hein. Donc, ils sont comme ça. Ah ouais, ouais, ils sont venus grands. Donc, ça s'appelle épinard patience, épinard perpétuel. Mais, et haute épinard et oseille aussi. Par exemple, dans votre jardin, vous pouvez jeter, donc prendre des épinards, par exemple, à graines piquantes, hein, des épinards en grès vert. Et à partir de maintenant, jeter à la volée dans tout votre jardin des épinards. Comme ça. Donc ça va pousser, ça va faire de l'engrais vert, ça va faire. Ça n'empêche pas après de faire des lignes. Et s'il y a un épinard qui gêne dans la ligne, vous tirez. Mais vous aurez. Donc par exemple, avec ça, vous pouvez. Donc ces épinards, vous les mangez, ou bien vous les coupez, ça sert d'engrais vert. Donc ça sert à la volée comme ça. Dans tout le jardin, vous pouvez mettre des épinards comme ça. Donc ces épinards anciens là. Hein. Ça s'appelle comment ? Épinards à graines piquantes. C'est dans les engrais verts. Mais ils sont aussi dans les épinards ordinaires, oui, oui. Épinard d'Amsterdam ou épinard de... 69-056. Ah, ça, c'est un épinard formidable, qui est bon, costaud, rustique, et qui est un bon engrais vert et un bon épinard à manger. Voilà. Alors, commencer les navets hâtifs directement, semer directement à plein terre, après le 15 mars. Donc, choisir les navets hâtifs, donc après... Mais, du temps comme ça, ça pourrait être maintenant, hein, cette semaine, par exemple. C'est après le 15 mars, encore, comme le printemps comme ça, déjà maintenant, voilà, on peut semer les premiers navets hâtifs. Alors, les puits hâtifs, c'est le premier de la ligne, là. Donc, il y a deux, les navets de Croatie et les navets... Oh, je ne sais plus, le premier de la en tête de liste... Les 2011 nantais. Les 2011 nantais. Donc, des 2011 blancs, comme ça, sucrés à manger, comme ça, cru, c'est délicieux. Et tout ça. Scandia, oui, c'est ça. Ouais. Scandia ou bien de Croatie. C'est numéro 108. Voilà. Après, la roquette. Donc, on peut semer de la roquette toute l'année. Hein, ça... Mais il faut semer souvent. Hein, parce que ça, on ne sait pas empêcher de monter en graines. Donc, si vous voulez de la roquette, il faut presque semer tous les semaines, un pot, tous les semaines un petit peu, comme ça, pour en avoir sans arrêt. Ça vaut la peine. Hein, ça rentre dans tout, hein, dans les salades, dans tout. Le persil. Alors, là, le persil, je dirais qu'il faut absolument le mettre en pot. Le repiquer en pot à l'intérieur quelque part. Donc en pot à l'intérieur, à chaud. Et puis aller le repiquer. Le persil repiqué n'est pas attaqué par la mouche du persil et tout. Parce que semer du persil en plein terre, c'est devenu quasi impossible. Ça dépérit, ça fait s'attaquer. C'est la mouche de la carotte et de l'oignon qui attaque aussi le persil et tout ça. Mais le persil, donc à l'intérieur, puis repiquer un par un, ou bien deux ou trois petits brins ensemble, là, ça vient... Le persil vient 30 cm sur 30 cm. Hein. Facile. Hein. Donc ça c'est vraiment à faire. Et il faut en mettre beaucoup. Hein. À mon avis, il faut utiliser le persil comme un vrai légume, hein, pas comme un aromate. Hein. Le persil peut rentrer dans chaque fois que vous faites de la salade ou n'importe quel plat, des patates. Le persil dans tout. Et pour la santé, c'est un légume formidable. Donc le persil a intérêt à être piqué, je veux dire, en gros, pas seulement comme ça, quelques brins, pour décorer. On décore les plats, on ne le mange même pas, quelquefois, il est là. Ah, alors, là, ouais. Oh, moi, quand je vais dans les restaurants chinois, ils mettent toujours tout plein de persil. Et je vois les gens, ils laissent. Ah, moi, il ne reste rien du tout. Ben, il ne reste rien du tout de rien, jamais. Hein. Que ce soit chinois ou autre. Bon, alors. Et, dernière chose, le pané. La graine de persil, elle n'a pas besoin d'un actif froid pour... Non. Mais elle sait mettre un mois pour lever. Hein. Mais du temps comme ça, oh, si vous mettez en serre froide, par exemple, ou bien dans une serre, ou bien dans une véranda, sur 15 jours, ça s'est là. Mais ça sait mettre un mois aussi à lever. Le cerfeuil, c'est le même problème? Cerfeuil, ah, j'en ai pas parlé parce que ça, il faut mettre c'est urgent. Ah ouais, cerfeuil ne supporte pas comme les fortes chaleurs non plus. Hein. Il faut mettre en mi-ombre quelque part et semer. On fait pas comme le persil alors. Non. Cerfeuil, il faut être choisir un endroit humide à mi-ombre pour en avoir toute l'année. Parce qu'après, il se ressemble. Et s'il se plaît bien quelque part, il se ressemble sans arrêt en mi-ombre. Le persil aussi. Hein, ouais, le persil aussi. Ouais. Ah, et donc le pané. Alors, je m'excuse, c'est pas ce qui s'est passé avec le pané. Mais il y a une razzia, il n'y a plus de pané, le premier. Mais il y a encore une variété de pané anglais, là, white, long white, ou bien blanc. Ouais, mais les paquets ne sont pas aussi nombreux, parce que ça coûtait plus cher, donc il y a moins, mais qui est bon aussi. White jam. Pense, voilà. Donc il faut, voilà. L'autre, il n'y en a plus. Je vais encore essayer d'en avoir, mais... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et on ouais. Peut dire aussi, quelqu'un qui veut faire grimper des petits pois, des haricots, quelque chose, aller chercher des fers à béton, qu'on appelle ça, c'est du grillage qu'on met dans du béton. Ah ouais. Essayer d'avoir chez un chauffagiste ou quelque chose, des gros des anciens tubes de chauffage en acier. Ouais. Et tenir là, c'est impeccable, ça ne bouge pas. Ah ouais, il faut les faire grimper des trucs lourds dessus. Il y a quelqu'un, donc la dame là, qui a ramené du kéfir, si ça vous intéresse, vous demandez des explications. Ouais. Ah, on peut aller visiter le jardin, on peut prendre des sens. À l'aise, hein, faut pas courir. Mais avant, donc pas de panique, remettre les chaises à leur place. Hein, prendre 5 minutes pour remettre les chaises à leur place, sinon c'est, on ne sait pas bouger. Hein, il faut, voilà. Merci Gilbert. Non.